Radio Resto. Voilà. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi. Bonjour, je suis Marnie Poyet, étudiante en journalisme à l'ISCPA de Lyon. Saviez-vous que 126 000 bébés ont reçu de l'aide des Restos du Cœur en 2022? Ce chiffre inquiète. Les enfants en bas âge sont de plus en plus présents dans les centres de distribution. Jeunes parents, mères célibataires, les profils des familles accueillies sont variés. Je suis allée à leur rencontre dans l'établissement de Lyon-Vallée, l'un des plus gros centres du Rhône. C'est à partir de 13h30 que le centre ouvre ses portes. Quelques poussettes circulent, dont celle de Marcel, une mère célibataire de 5 enfants. Après avoir rangé quelques compotes pour son bébé de 6 mois, elle nous explique l'importance des Restos du Cœur pour son enfant en bas âge. Si on essaye d'évaluer par mois, rien que le lait et les couches, c'est énorme. Si je compte que les deux là, ça va me prendre une bonne somme dans mes petits revenus. Mais déjà, ce qu'on nous donne nous aide à 99%. Marcel est arrivée du Cameroun il y a 5 ans. Elle s'occupe au quotidien de deux de ses enfants et entretient financièrement les trois autres restés dans leur pays d'origine. Un sacrifice qu'elle dit avoir fait pour améliorer leur quotidien, puisque pour vous donner un ordre d'idée, là-bas le SMIC serait équivalent à 100 euros, soit environ 12 fois moins qu'en France. C'est un changement de vie qui a bien fonctionné dans les débuts, mais aujourd'hui, Marcel se retrouve en difficulté. Je suis allée à l'école, j'ai fait un an, j'ai obtenu mon diplôme d'État, je suis AES, accompagnant éducatif et social. J'ai travaillé, mais bon, après j'ai arrêté le travail quand j'étais enceinte. Mais là, maintenant, je veux retravailler, mais là, présentement, je suis bloquée au niveau de la crèche. Donc, je suis contrainte de rester à la maison, parce que pour avoir une place en crèche, il faut avoir un contrat en cours. Alors, comment je fais? Je peux pas signer un contrat étant donné que mon enfant n'est pas en crèche. C'est ça, en fait, c'est contradictoire. Je n'ai pas fait des enfants pour rester au Resto du Cœur. Ça nous aide vraiment, mais c'est beaucoup plus les crèches dont on a besoin. C'est grâce à son assistante sociale que cette maman a su qu'elle pouvait être accueillie par l'association française. Seulement, il y a beaucoup d'autres parents en difficulté qui n'auront peut-être jamais accès aux distributions de l'association. Anne-Marie, bénévole et référente accès aux droits sociaux du centre, nous explique comment les demandes sont traitées. On compare les ressources, aussi bien des salaires que tout ce qui est versé par la caisse d'allocation familiale et ses charges liées au logement. Et ça va nous déterminer ce qu'on appelle le reste à vivre. Et c'est ce reste à vivre qui va être comparé au barème des restos et qui va permettre de dire oui, la personne est éligible à l'aide alimentaire, non, la personne n'est pas éligible à l'aide alimentaire. Bien sûr qu'on fait des refus. C'est-à-dire des personnes qui dépassent parce qu'elles ont des salaires certes minimes, mais quand même qui leur font dépasser nos barèmes. Si ces familles n'ont pas accès aux distribution des Restos du Cœur, elles peuvent tout de même bénéficier des autres services proposés, tels que du soutien à la recherche d'emploi, du conseil budgétaire ou encore de l'accompagnement administratif. Radio Resto, bienvenue dans la saison 5. Vous écoutez Radio Resto, on fait le show les enfoirés dans quelques secondes. On parle de sport tous ensemble, ça va être bien, ça va être fou. À tout de suite. Contre ces mauvaises nouvelles. rêve soit enfin sucré. Je te confie mes rêves, mes doutes, mes espoirs pour l'éternité. Contre ces mauvaises nouvelles qui se répètent. Pour faire briller ce ciel si gris dans ton regard. Radio Resto, les animateurs radio de France se mobilisent pour les Restos du Cœur. Radio Resto, saison 5, et c'est le moment de la journée, le moment des 48 heures où on va parler de sport. Avant de parler de sport, évidemment, on rappelle que 126 000 enfants de 0 à 3 ans ont dû faire appel à l'aide des Restos du Cœur l'année dernière, en 2023, un chiffre qui augmente tous les ans. Et nous, on est là pour ça, on est là pour récolter plein de sous pour acheter des kits petite enfance avec dedans des couches, avec dedans des petits pots, avec dedans des boîtes de lait en poudre. On en est à 3 000, je suis super nulle en maths, 307 175 euros récoltés. C'est un peu mieux quand même. Je suis beaucoup plus forte en sport. Prochain objectif, 350 000 euros pour participer, pour faire un don. Vous allez sur le site radio.restoducœur.org ou sur l'appli Radio Resto. Maintenant, je vais vous présenter un peu les gens qui sont autour de moi. On est sur des grands fauves de la radio, des grands fauves du sport, enfin un grand fauve du sport, un fauve avec une cuche. Déjà, je voudrais dire merci au Resto du Cœur parce qu'ils réalisent un peu mon rêve aujourd'hui, c'est-à-dire de jouer un peu dans Hélène et les garçons. Mais il y a un petit twist dans l'histoire, c'est Hélène et les garçons avec 25 ans de trop. On a tous 25 ans de trop, sauf un qui fait un peu plus jeune que les autres, mais on l'a quand même accepté parce qu'il a un prénom de vieux, c'est Jean-Louis Tour. Salut Jean-Louis. Merci, quelle présentation. Non, mais j'ai retenu que le début, moi, que je faisais plus jeune que les autres. Aussi. Jean-Louis Tour d'RMC. Jean-Louis, tu fais partie des grandes voix du sport. T'as un sacré paquet d'années d'expérience derrière toi. Est-ce que tu peux nous redire à quel moment à l'antenne on peut t'entendre sur RMC? Alors, on peut m'entendre tous les soirs du lundi au jeudi, 18h-20h, Rotten sans flamme, donc avec Jérôme Rotten et tous les consultants d'RMC pour rigoler pendant 2 heures avec des anciens joueurs. Je dis rigoler parce qu'il y a des analyses parfois, il vaut mieux les prendre comme ça. Et y a des phases... couteau dans le dos dès qu'il n'est pas chez RMC. Et il y a des phases assez sérieuses, donc c'est avec Julien Cazard. Évidemment, jamais de deuxième degré avec Julien Cazard. Non, jamais. Bien entendu. Et le dimanche soir aussi, j'encadre la soirée du match du dimanche soir, donc au stade. Donc demain, je vais à Strasbourg pour Strasbourg-Marseille, et c'est comme ça toutes les semaines. Donc tu voyages énormément. Bah oui, tu oui, ça fait. Foot vraiment. Ça fait une saison seulement que je suis de retour sur les terrains et j'adore. De retour sur les terrains, te la raconte pas trop, Jean-Louis. Hein. Sur le terrain. Tu joues au foot ou pas? Mais j'ai arrêté depuis un an. Je suis à la retraite là. Les croisés, tu connais. En face de toi, Jean-Louis Tour, Patangeli. Patangeli, oui. C'est une légende de la radio. Et pour ceux qui connaissent pas bien la radio, pour ceux qui écoutent pas RFM, pour ceux qui n'ont pas forcément une connaissance encyclopédique de la radio, vous êtes peut-être sur Twitter et vous avez déjà peut-être vu passer des vidéos où Patangeli fait un peu son truc, son pouvoir magique. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais sur ces vidéos Twitter, Pat? En fait, c'est tout simple. Je fais mon métier d'animateur. C'est-à-dire je parle un petit peu dans le tempo, je présente des chansons, j'explique un peu le secret qu'il y a derrière un titre, mais seulement je le fais à ma manière, un peu en rappant, C'est un dieu de la technique radio. Moi je résume à sa c'est place gentil. Donc écoute Pat, si jamais on passe de la musique aujourd'hui, tu gères les intros. J'aurais mieux que ça, je vais inviter un chanteur, comme ça ce sera encore mieux. En plus, on aura des super belles surprises ce soir, on est en plein après-midi, cet après-midi, avec un artiste qui va venir, qui est totalement fan de sport. Et oui. Et on aura aussi un coup de fil avec... Un dieu. Je peux pas. Un dieu. Voilà, un dieu. Bah, je vais te présenter maintenant, oui. Eric. Toi aussi, t'es un dieu. Eric Rabé-Sandratana, le seul vrai sportif ici, le seul sportif ancien, professionnel, ancien. Je te rassure. Eric, tu es. C'est celui sur lequel ça se voit le moins en plus. Merci, j'avais pas osé faire la vanne. Merci beaucoup. Eric, tu es un ancien capitaine du Paris Saint-Germain. T'as aussi notamment joué à l'AS Nancy. T'as eu une grande carrière de footballeur à l'époque Canal au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent à la radio, vous le voyez pas, mais je porte un maillot du Paris Saint-Germain saison 2001-2002. C'est le vrai, celui-là. Mais les Marseillais peuvent faire des dons, hein, quand même. Ouais, évidemment, tout le monde peut faire des dons, les Bordelais, les Marseillais, les Stéphanois. Mais tu l'as porté, ce maillot? Ouais, j'ai porté, ouais. Celui-là, c'est un des plus beaux qu'on ait vu quand même passer dans la collection PSG. Ouais, et là, on est vraiment sur les couleurs Echter que la marque Opel. C'est un maillot historique. Eric, t'es aussi sur France Bleu Paris. On bosse ensemble depuis 18 ans. Ouais, absolument. On commente les matchs du Paris Saint-Germain ensemble et c'est beaucoup de plaisir et j'espère que ça durera encore très longtemps. Mais bien sûr, évidemment, en face de toi, on l'a entendu puisqu'il a déjà snipé, c'est un sniper mais c'est aussi une grande voix de la radio et de la télévision. Flo Gazan est avec nous d'RTL. Salut Flo. Alors, là, on est sur quelqu'un qui a fait le grand écart entre les grosses têtes et les caisses à savon. Oui. C'est génial, j'ai tellement hâte qu'on en parle. À quoi serait due ma carrière? Non, mais Flo, donc tu fais partie des grosses têtes. Oui. D'ailleurs, ça va se vérifier pendant cette émission. Mais tu es aussi la voix des compétitions de caisses à savon qui sont diffusées sur la chaîne L'Équipe. Avec Yoann Riou, voilà. Exactement. C'est une saison qui a démarré. Un boulot de préparation terrible. Honnêtement, qui peut s'asseoir à cette table et dire j'ai jamais regardé les caisses à savon, j'ai jamais rigolé devant, c'est impossible. Et qui peut dire j'ai fait une course de caisses à savon parce que j'en ai fait une à Toulouse. Ah, c'est pas vrai. J'ai voulu tester, tu sais, c'est voilà, pour pouvoir commenter, c'est comme Eric, faut être un ancien joueur. Donc j'ai fait une course de caisses à savon. Donc je me suis ridiculisé en tenue moulante, mais c'était formidable. Mais où sont les images? Je suis arrivé au bout, bien sûr, hein, ça a été diffusé avec Yoann Riou qui me hurlait dans les oreilles, donc deux difficultés. Il était dans la caisse à savon, Yoann. Il était dans la caisse à savon, c'est pour ça qu'elle descendait plus vite. Vous n'aviez aucune chance d'arriver au bout. Qui te hurlait dans les oreilles, c'est pas son style, pourtant. Non, c'est pas les oreilles, c'est ça. Bon. Bon, les garçons, vous quatre, vous êtes amoureux de foot. Ah bah oui. Est-ce qu'on a des amoureux de rugby aussi parmi vous quatre? Un peu moins. Oui. Ah. Oui, moi j'aime le rugby. Après, je suis moins connaisseur du rugby, mais j'aime le rugby, ouais, évidemment. C'est très difficile d'être connaisseur du rugby parce que déjà. Pour les règles, c'est pas toujours. Franchement, avant la Coupe du Monde, je me suis dit. Je vais aller voir les règles pour arrêter de dire je comprends rien au rugby. Je suis allée sur Wikipédia, j'ai cliqué sur règles du rugby et là j'ai fait ah ouais non. Moi j'ai kiffé le rugby à 7 pendant les jeux, c'était super. Bah oui, mais c'est plus facile à comprendre. Ouais. C'est plus facile. Mais évidemment on adore tous le rugby et maintenant ça va être un peu notre moment rugby parce que on va pas être relou et parler que de foot pendant cette émission. On parle de sport et on est hyper content d'accueillir des représentants de la Ligue nationale de rugby. Salut Alexandre et salut Thibaut. Bonjour à tous. Alors Alexandre, tu t'appelles Alexandre Le Boucher. J'ai hyper envie de faire une vanne sur ton nom. Mal, tu bosses dans le rugby, mais voilà. C'est pas un surnom. Non. Il est pas habitué. Voilà. Alexandre, toi, tu es responsable RSE à la Ligue nationale de rugby. Déjà, ça veut dire quoi RSE? RSE, on va le résumer plutôt par l'engagement sociétal et solidaire qu'on a au rugby, parce qu'évidemment on est solidaire sur le terrain mais aussi en dehors, notamment avec notre grand partenariat avec les Restos du Cœur depuis plusieurs années. Donc voilà, c'est de mettre en place l'ensemble de ces initiatives. Et en face de toi, Thibaut Brugeron. Thibaut, toi tu as eu un podcast sur le rugby? Exactement, sur le sport en général et aussi sur le rugby. Ouais. Ok. Et toi Thibaut, tu bosses aussi à la Ligue et tu fais quoi? Moi je suis responsable de la com, je fais en sorte que les actions menées par Alexandre soient visibilisées au maximum. C'est le faire savoir. Exactement. Évidemment. Alors les garçons, tu l'as évoqué Alexandre, il y a eu une très belle action qui s'est mise en place il y a quelques années avec les Restos du Cœur par la Ligue nationale de rugby. Est-ce que vous pouvez nous raconter et d'abord commencer par nous rappeler ce que c'est qu'un Boxing Day? Alors le Boxing Day, ça nous vient du football, mes voisins voilà. Et voilà, on y revient encore. Comment ça peut être autrement? Je savais qu'il fallait prononcer le mot football toutes les 5 secondes. Merci Thibaut, merci, donc je m'y astreins. C'est des matchs de fin d'année qui sont organisés en marge des fêtes de fin d'année et qui sont des matchs très importants pour nous parce que c'est les matchs qui réunissent les meilleures affluences et les meilleures audiences. Et à l'occasion de ces matchs, on en fait des journées solidaires, c'est-à-dire qu'on là cette année et depuis 4 ans maintenant, on a un partenariat avec les Restos du Cœur qui nous permet avec nos moyens, nos petits moyens, de mettre en avant l'action des restos et de récolter le plus d'argent possible pour les restos. vos petits moyens, mais c'est une action qui est vraiment mise en avant parce que sur l'affiche du Boxing Day, on voit le ballon. Et Alexandre, il y a quoi sur ce ballon ? Eh bien, il y a le logo des Restos du Cœur. Voilà, les joueurs jouent sur cette journée de championnat, donc qui est la journée entre Noël et Jour de l'An, des matchs caritatifs. C'est un peu plus de 500 000 repas qu'on a pu financer depuis maintenant 3 ans. 500 000 ? 500 000 repas, wow. Là, et on remercie l'ensemble des clubs de top 14, des joueurs et évidemment des supporters qui se mobilisent. On fait une grande vente aux enchères aussi avec les maillots que portent les joueurs sur cette journée-là. Et on est très, vraiment très fiers du résultat et on est tellement fiers qu'on va continuer encore cette année pour une quatrième saison. Et on espère qu'on va encore dépasser ce chiffre très très important pour nous, mais aussi pour les restos. Alors, avant de vous rencontrer les garçons, j'ai écouté l'émission de l'année dernière, Pat. Oui. Et je me suis dit, bon, bah, de toute façon, on peut poser à peu près les mêmes questions vu que c'est le même sujet. Et là, j'entends une question de Pat sur les valeurs du rugby. Et je me dis, ah ouais. Cette année, ça s'est mal passé quand même au niveau des valeurs pour le rugby. C'est vrai, hein, c'est une réalité. On a tous un peu pris une claque parce que bah, justement, il y avait une image un peu idyllique des valeurs dans le rugby. Vous, vous êtes vraiment ceux qui sont confrontés directement à réussir à continuer à faire valoir les valeurs du rugby malgré tout ce qui s'est passé autour du rugby cette année. Comment vous avez géré ça, vous ? Alors forcément c'est pas simple hein. les affaires qui ont touché et qui ont forcément terni en partie la réputation du rugby. Nous ce qu'on peut dire c'est ce qu'on voit tous les week-ends dans les stades, ce qu'on voit toutes les semaines des échanges qu'on a avec les gens qui vivent le rugby et qui font vivre le rugby, c'est que c'est un sport de valeur et que quand on parle de fraternité, de solidarité sur le terrain, c'est quelque chose de réel, mais c'est inhérent à ces sports aussi de contact, je pense. Et on l'a vu, vous citez l'émission de l'an dernier, on avait parlé pendant le Covid, on avait, je crois, un joueur sur 3 ou sur 4 qui s'était engagé en faveur des Restos du Cœur pour mener des actions solidaires. Ça, c'est quelque chose que l'on voit encore à l'œuvre. On a des joueurs qui, sur leur temps libre, font ça. Donc, nous, tout ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que ce sport de valeur, on pense que c'est une réalité et on est bien aligné là-dessus avec les Restos. J'entendais une petite musique, je me disais, ah, on va partir sur un disque. Ouais. On part sur un disque ? Non ? Non ? Vous voulez poser une question à Alexandre et Thibaut sur les valeurs du rugby ? Eric, toi qui as été footballeur, ces fameuses valeurs du rugby ? Ouais, alors après, je reste quand même... c'est toujours délicat de parler de ce qui s'est passé là dernièrement, parce que je pense pas que ça reflète l'esprit du rugby. Ben alors évidemment, c'est des cas isolés et il faut pas faire abstraction de tout ça, parce que ça existe. Donc ça veut dire que... Il y en a eu plusieurs, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, ça a été notifié, mais pesant. Quoi. En dehors de ça, voilà, il y a quand même dans le comportement des joueurs, déjà dans l'esprit des gens, dans l'encouragement autour des matchs, c'est quand même il y a un respect incroyable dans ce public, plus les matchs et les joueurs, le comportement des joueurs sur le terrain aussi. C'est pas forcément une question, excusez-moi, mais je parle du rugby, mais non, voilà, c'est simplement c'est ta conférence. C'est pour ça que j'aime aussi le rugby, c'est que il y a ce côté-là qui est intéressant. Moi, je connais le foot et les joueurs qui râlent tout le temps après les arbitres et je suis pas forcément fan de tout ça, donc je respecte pour ça aussi le rugby. Mais il y a effectivement Alexandre. Un côté de lien social positif qui se crée en fait dans les clubs et on le voit, l'affluence record de saison en saison, on bat les records d'affluence dans les stades, donc il y a un vrai intérêt. Je pense que ce qu'on a vécu cet été aussi avec le rugby à 7 et les JO a permis dès le début des JO de donner un cap avec un Antoine Dupont qui était extraordinaire. Ouais, ouais. Ce lien social positif, nous on s'y attache beaucoup. Effectivement, les cas isolés de cet été ne reflètent pas la généralité. Alors ma question vient maintenant, est-ce que justement par le fait de devenir un peu plus professionnel et avec les salaires qui augmentent, est-ce que ça va changer? Le rugby, il a changé, il l'a dit, Kylian, le rugby, ouais, il a changé. Il est partout celui-là. Alexandre ? Non, je pense pas que ça change, c'est un erreur. Et puis toutes les histoires autour de salary cap et de masse salariale, elles sont plutôt bien gérées. Et il y a une spécificité unique au top 14 et à la Pro D2. Donc voilà, on fait tout pour que ça ne change pas. Et vraiment, l'ambiance dans les stades chaque week-end, il y a une journée de Pro D2 avant-hier, hier, et aujourd'hui, le multiplex de top 14, c'est vraiment des moments festifs. Donc on espère que ça ne changera pas. Un mot sur Antoine Dupont, justement, parce que c'est toujours important quand même d'avoir un porte-étendard. Lui, vraiment, on a l'impression que c'est le gendre idéal pour le coup. Justement, je parlais d'Mbappé. On met un peu en parallèle les deux. Voilà, il y en a un qui a une image extrêmement positive en ce moment. L'autre, elle s'est un peu dégradée. Est-ce que avoir Antoine Dupont, c'est une bénédiction pour le rugby ? Est-ce que vous sentez vraiment un effet Dupont à tous les points de vue ? Ouais, je pense qu'on en a besoin. Les stars dans le rugby, c'est ce qui nous permet aussi d'aller toucher des publics et des personnes qu'on n'aurait pas touchées dans le passé. Donc, ouais, la réponse, c'est oui. mais vous verrez toujours dans le discours d'Antoine Dupont, il veut toujours se mêler dans ce collectif. Il y a quand même, il se rappelle toujours de l'ADN de son sport, en fait. C'est-à-dire que c'est. Ouais, c'est presque c'est... la première chose qu'il dit à chaque fois qu'il y a une interview, qu'on le félicite. C'est vrai qu'il est. Il le fait systématiquement et je suis pas sûr que ce soit le produit d'un média training. C'est simplement que lui, depuis qu'il a 15 ans, il joue comme ça avec ses copains et c'est la réalité. Mais on a évidemment besoin de lui. On ne veut pas que des stars dans le top 14, mais on a besoin de ces stars-là. C'est évident. C'est une star qui met tout le monde d'accord, je pense, Antoine Dupont. Pat. Et en plus, il était champion olympique du rugby à 7. Gagné. Le mec gagne partout. Quoi. Là, j'ai vu, il se met au football américain. C'est quand les caisses à savon pour Antoine Dupont? Moi, j'attends ça, moi. À Toulouse. Une course de sportif, je ne sais pas. C'était à Toulouse, les championnats du monde. Ouais, tu vois, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a tout à Toulouse, c'est incroyable. C'est clair, Léon Marchand. Il y a tout à Toulouse. C'est impressionnant. C'est fou, ça. Bon, Alexandre et Thibaut, merci d'avoir été avec nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant le Boxing Day pour soutenir l'action de la Fédération nationale de rugby, la Ligue nationale de les yeux de Thibaut, la Ligue nationale de rugby? Qu'est-ce qu'on peut faire? Aller au match, acheter le maillot d'Antoine Dupont porté par lui, sortez un peu le porte-monnaie. En gros, j'ai regardé un peu sur le site qui s'appelle Match World Shirt. Voilà. Match worn shirts, ça veut dire les maillots portés en match. C'est 500 euros à peu près un maillot, pas d'Antoine Dupont, hein, mais mis aux enchères. Des 150 euros, vous en avez, ça peut aller jusqu'à 1000 ou 2000 euros. Dupont, dont c'est vendu, je crois, l'an dernier 4500 euros. Donc quand même. Ah ouais. Oui, mais c'est Antoine Dupont. Mais Antoine, 150 euros, c'est les Marseillais. Alors si vous avez 4500 euros, n'hésitez pas à aller faire un don sur le site des Restos du Cœur. Vous allez sur radio.restoducœur.org ou sur restoducœur.org tout court. Moi j'ai le rituel, c'est quand on commence l'émission, je commence par le don. Donc je suis sur l'appli et voilà, je donne, tu tapes 100 euros, tu dépenses 25. Hein, oui, parce qu'il y a exactement. 75 qui sont déduits. Et donc ça coûte des impôts. Et donc, c'est parti. Donc quand tu tapes 100 euros sur l'appli pour donner, tu ne payes que 25. Tu payes 100 sur le coup, mais ensuite tu es remboursé par les impôts. Et on est des sportifs, donc par rapport aux filles qu'on fait très fort avant, on veut relever le défi et faire aussi bien. Donc, parce que juste avant l'émission, c'était que des filles. Mais oui, elles ont fait un très bon score. Ça s'est inversé dramatiquement. Elles ont fait combien? Elles ont fait combien? Je sais pas, on est à plus de 300 000. Donc je on sais est plus à 308 325. Il faudrait vraiment que quelqu'un qui aime bien les maths lise le truc à ma place. Sans bien que c'est pas ton corps. Quelqu'un d'autre pour présenter la ouais, c'est ça. Alors attends, revenons là-dessus. Ça doit parce bien que les scores sur France Bleu. 14-8. Enfin, un truc dans le genre. Non, parce qu'en fait, on a un groupe WhatsApp avec tous les animateurs qui sont autour de la table. Et là, il y a eu un truc très sympa où ils ont dit: bon, alors du coup, Pat, c'est toi qui anime cette année. Alors Pat, il a dit: je l'ai fait l'année dernière. Bah ouais, du coup, c'était autres. Plutôt Flo. Et du coup, Flo, il dit: ah ouais, mais non, alors moi, je peux pas. Et là, je sens sur WhatsApp tout le monde qui se tourne vers moi en mode: dis donc, Pia. Hein? Voilà, donc merci les gars. Jean-Louis n'était pas encore là dans le. Non, c'est vrai. Jean-Louis, il a bien sorti le coup. Il est arrivé quand tout était décidé. Le mec qui rentre en fin de match et qui va planter. C'est-à-dire, il y a 3 heures. On a une grande confiance en toi, Pia aussi. Oui, bah voilà. Bon, Alexandre Le Boucher, Thibaut Brugeron, merci mille fois. Merci à la Ligue pour ce qu'elle fait avec les Restos du Cœur. Merci à vous, oui. Bravo. Merci beaucoup et vive le rugby. Et on aime les valeurs du rugby, évidemment. C'était important de parler de ce sujet parce que forcément les gens ont ça en tête, mais les valeurs du rugby n'ont pas disparu, elles sont là et elles sont solides. Merci les garçons, et nous on va faire un truc, ça va être un peu la passation parfaite. On parlait d'Antoine Dupont il y a un instant, moi j'ai envie de savoir comment vous avez chacun vécu les JO, parce qu'on est tous amoureux de sport, et les JO ça a été une période tellement folle, notamment pour ceux qui travaillent dans le sport, hein, c'était assez fou. J'ai envie de commencer avec toi Jean-Louis, parce que je sais pas, t'as pas dormi pendant plusieurs semaines, non? Non, mais c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Par contre, vous me coupez dès que c'est chiant. Parce que je pense que ça je vais va faire être un chiant. Long. Ça y est. Moi, je non, mais nous, c'était un truc de fou. Enfin, moi, je bosse à RMC depuis 2013 et j'ai toujours voulu couvrir des JO pour RMC parce que j'écoutais, je voyais ce qui se faisait. Mais comme j'étais surtout le mec du foot, bon, bah, j'étais pas celui qui faisait forcément les déplacements sur les jeux parce que on laisse la place plutôt au mec qui dictait Omni. Voilà. Bah oui. Là, alors, ça faisait plusieurs fois quand même que je voulais les faire. Et là, quand même, je savais qu'à Paris, on aurait un dispositif de dingue, il y aurait besoin de tout le monde. Donc là, j'ai pu les faire. Et bon, on avait toute l'antenne, toute la journée sur les jeux. Donc de 6h à 1h du matin. Ouais. Et moi, j'avais la tranche de fin d'après-midi. Donc 17h, 20h. Parfois, je couplais aussi avec le 23 minuit ou 23 1h. Bon, bref. Mais en tout cas, je faisais les fins d'après-midi. Et donc, c'est un souvenir dingue. Moi, je pense que ça vient direct dans mon top 3 et pas forcément la troisième place de mes plus gros souvenirs de journaliste. On était au Club France, nous. On avait le studio à la Villette. Oh, incroyable. À côté de l'écran géant. Je sais pas si certains ont pu aller au Club France, mais en gros, c'était pour ceux qui pouvaient pas avoir de place, une façon de vivre les jeux avec une ambiance de folie, donc écran géant, foule, clameur à chaque médaille, des activités partout, et nous on avait le studio vraiment collé à la foule, donc en fait à chaque médaille, à chaque bonne nouvelle pour l'équipe de France, on avait une clameur dingue qu'on entendait dans le studio, on était porté par l'énergie des gens, des médaillés qui passaient à chaque fois du coup dans notre studio, et puis surtout on était partout avec des spécialistes partout et on accompagnait les médailles qui en plus sont tombées très vite, donc franchement en plus à la radio des émotions, enfin non, franchement il y avait tout au rendez-vous quoi. Parce que qu'on soit à la radio, sur son canapé ou sur les sites, en fait l'émotion elle était vraiment présente partout. Est-ce que vous avez pu voir des épreuves sur site, ou les garçons qui étaient à Paris? Moi j'étais là, j'ai bossé, mais sur place non, je suis pas allé. J'ai commenté les matchs de foot sur TV5 Monde et j'ai vécu des émotions incroyables. Alors pas que sur le foot, hein, évidemment. Non, bien sûr. Mais déjà sur la cérémonie, je reste persuadé que c'était quand même mieux de l'avoir à la télé parce que tu voyais vraiment tout que d'être. Ça a été fait pour la télé. Déjà sous la pluie. Et puis voir que une partie de la cérémonie, je suis pas sûr que. Donc là, franchement, j'ai vécu un truc. C'était émotionnellement, c'était très très fort, vraiment. Je pense que j'ai pas beaucoup vécu de trucs comme ça en termes de sport. Là, c'était pas spécialement du sport, puisque c'était juste la cérémonie, mais. Franchement, c'était un moment incroyable. Ouais, ouais. Vraiment incroyable. Moi, j'étais parti en vacances au début des jeux, mais L'erreur. Non, mais c'était prévu comme ça. Et puis ensuite, je me suis fait happer par les jeux. En fait, je regardais tout. À un moment donné, je suis tombé amoureux du. Tu deviens boulimique. Je me suis mis à la boccia, c'est pour vous dire. Ah ouais. j'ai regardé le basket 3x3, j'ai adoré, j'ai vu la Concorde et tout, j'ai trouvé ça fantastique. Les règles sont hyper simples, donc même celui qui a jamais regardé de sport, tu peux te faire happer, voilà, c'est le premier à 21 points, point barre. Et puis je me suis dit, et comme je rentrais à 6 ou 7 jours de la fin, j'avais prévu de repartir quelque part, mais j'avais rien réservé. Et là, je me suis dit, je peux pas. Il faut que j'aille voir dans ma vie les jeux à Paris une fois, donc j'ai acheté des places. Et moi, pour moi, les jeux, avant tout, c'est l'athlé. Et donc, moi, mon père me réveillait quand j'étais gamin, à 1h du matin, pour voir Carl Lewis, m'a dit regarde et tout ça machin. Wow. Il me dit tu me réveilles pour un truc qui dure 10 secondes. 1934. Je m'en fous pas. Mais en fait mon vous avez dit qu'on était dans Hélène et les garçons en 25 ans. Voilà. Et donc j'étais au Stade de France et je suis tombé sur une super soirée avec la finale du 200, avec t'as des lancers, t'as des trucs qui se passent partout, etc. Et le mec, l'ancien champion qui donnait les trois coups, tu sais, il y avait toujours quelqu'un. C'était Carl Lewis. Oh, et pour moi, la boucle était bouclée parce que Carl Lewis était là. Ah, c'est énorme. Et voilà, j'ai eu un record du monde du 400 mètres féminin. Enfin bon, j'ai vécu, moi, au Stade de France, pour moi, c'est marqué à vie, quoi. Incroyable. J'ai adoré. Et toi, Flo? Alors moi, j'ai fait partie de ces Parisiens qui se sont dit, on va se barrer. Ah, les gros relous. Voilà, qui se disent ça va être un cauchemar. On était tellement bien sans vous. Ah ouais, merci. Hein. Voilà, franchement, c'était trop bien sans vous. Voilà, c'est bien de l'avouer. Donc j'étais au Canada, ça m'a coûté 500 balles de donner, de donner à l'étranger, et j'étais avec le décalage horaire, donc je me suis fait toutes les finales au petit déj dans la pampa au Canada. Alors souvent, je utilisais un caribou pour faire antenne parce qu'il y avait pas. Teddy Riner en mangeant des gaufres au sirop d'érable à 9h du matin, c'est un concept. Mais non, pour le coup, sérieusement, c'est vrai que je me suis dit avec le recul que j'aurais aimé quand même vivre un petit peu ça. C'est des choix de vie, mais c'était assez intéressant parce que étant à l'étranger, je me suis rendu compte de la portée que ça avait, parce que j'ai vécu la façon dont c'était aussi retranscrit au Canada. Moi, j'ai regardé du coup les Jeux Olympiques sur la télé canadienne, donc je jouais avec les athlètes canadiens. Voilà, c'est là qu'on voit comme chacun fait ses choix. Ouais. Mais par contre, la portée de l'événement, elle était claire. C'est les Jeux Olympiques, c'est vraiment un événement mondial. Nous, on a la Coupe du Monde, mais c'est encore au-delà. Et pour le coup, c'est vrai que ça a donné une très bonne image de Paris et de la France. Et ça, c'est tout bénéfice à ce niveau-là. C'est l'événement sportif le plus regardé au monde. depuis toujours. Ouais, et puis vraiment. Je sais pas, Pat, toi qui as commencé hors de Paris et puis qui a fini dans Paris. Mais c'était incroyable. On est d'accord. Paris était métamorphosé. On voudrait que Paris soit comme ça toute l'année. Mais on serait trop heureux. Voir les cyclistes monter Montmartre avec des. Moi, au Stade de France, j'étais seul, j'étais entouré d'Américains. Les Américains, ils m'ont dit plus de bien de la France et de Paris que tous les autres Français, quoi. Ils m'ont dit, mais c'est génial. Même les Français, ce que vous on avez était fait. Tous euphoriques. Ouais. Hein, Jean-Louis. Mais là où c'était hyper réussi, c'est qu'en fait, il y en avait pour tout le monde. Il y en avait pour les fans de sport, bien sûr, mais aussi, quoi qu'il arrive, tu vas sur un site, même si c'est pas un sport majeur, même si c'est le tir à l'arc, t'es aux Invalides, dans un endroit exceptionnel, pareil sur l'escrime. Les sites, ça a été une réussite absolue. Et effectivement, l'athlète au Stade de France, moi j'ai pu faire une session aussi avec mes enfants en plus du boulot. Et voilà, c'est exceptionnel. Tu sais plus où donner de la tête. Il y a une ambiance de dingue sur chaque sport. Dès qu'il y a un Français, c'est les Rolling Stones qui arrivent. Enfin, et même sans Français, parce que moi j'ai assisté à Roland Garros à la finale de Iman Khelif, la boxeuse algérienne qui était accusée par plein de gens d'être un homme. Et donc Philippe Châtrier était rempli d'Algériens et d'Algériennes, beaucoup de femmes, avec des drapeaux algériens partout, des youyou. J'ai encore envie de chialer. Franchement, c'était une soirée mais exceptionnelle. Mmh. Exceptionnelle de voir le peuple algérien dans Philippe Châtrier chanter, danser et faire la fête pour cette femme incroyable. C'était une soirée de folie. Et en fait, c'est ça aussi l'impression qu'on avait, c'est que même ceux qui n'étaient pas français et qui n'étaient pas là pour voir des médailles françaises, qui fait quand même voir ce qui se passait. Confirme. C'était incroyable. Et puis surtout, il y avait ce qu'on aime voir, c'est-à-dire des gens avec des drapeaux de tous les pays qui font des photos ensemble devant le Stade de France, devant la statue, devant Paris 2024. Et là, ça te redonne un peu foi en l'humanité, on en a un peu besoin. Mais je crois que la Terre entière aurait voulu être à Paris. Ouais, tous les gens que je croisais au Canada quand j'ai dit que j'étais français, mais qu'est-ce que vous foutez là? C'est clair. Oui, c'est sûr. Bah, je suis Après la cérémonie d'ouverture, je pense que déjà, tout le monde avait pris une claque. Mais complètement. Céline, quoi. Non, mais Céline, franchement, j'ai pleuré. Moi, j'ai pleuré pendant. Mais moi aussi. Ah, mais Céline Dion, j'ai chialé. Hein, mais tout le monde a chialé. Non, mais honnêtement, moi, je l'animais à France Bleu, cette cérémonie. J'étais en studio avec deux personnes et on avait des envoyés partout le long de la scène. Et j'avais devant moi un plan en papier avec le nom des ponts, le nom de tous les envoyés qu'on avait un peu partout. J'ai tellement halluciné sur cette soirée, j'ai pris tellement d'émotions dans la tronche que ce papier là, je l'ai affiché dans mon open space à France Bleu et je le décrocherai jamais. C'était fou ce qu'on a vécu, et à chaque fois qu'il y avait des prestas, les Aya Nakamura, à la fin de chaque presta, on était tous au micro en train de dire mais waouh. Et le waouh était de plus en plus gros, et quand Céline est arrivée, sachant que je suis quand même son sosie, je sais pas si vous avez noté. Voilà. Son sosie vocal. Aussi, vocal un peu moins, mais voilà. Claque mondiale, je sais pas. Enfin, je pense que même si des extraterrestres avaient vu Céline chanter, ils auraient chialé, quoi. Je pense que t'étais mieux dans ton studio que les envoyés spéciaux. Nous, on avait trois personnes au Trocadéro. À l'arrivée, ils ont commenté une télé. Parce qu'en fait, avec la pluie et tout. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils voyaient aussi la télé, parce qu'il y avait des écrans partout. Mais effectivement, ils ont suivi sur la télé. Ah ouais, t'étais trempé, t'avais une bâche au-dessus de toi et t'as juste l'œil sur la télé. Donc à l'arrivée, t'étais bien aussi. Ah ouais, non, mais j'étais bien, je vous confirme. Pat, ça va être ton moment parce qu'on va envoyer un disque. Ah, excellent. Ah, donc, je ne sais pas lequel. Qu'on a chacun. Oh, j'ai entendu les premières notes de Bernard Tsang tout à l'heure, Véronique Sanson. Par pitié, là, Bernard Tsang, Véronique Sanson. On ne peut pas échapper à ça. On fait une petite pause musicale. Et puis faites un don. Allez sur l'appli, faites un don. S'il vous plaît, on est des sportifs, on aime bien que ça monte. Pourquoi Bernard Tsang? Bernard Tsang, parce que c'était un ancien manager à elle qu'elle adorait, et donc elle a voulu lui rendre hommage. Ah, je pensais que c'était sur Bernard Thévenet, moi. Et non, pas du tout. J'adore. Bernard Lama. Ah, ça y est. À tout de suite. Jamais bien rasé, il est toujours fatigué. sur France Bleu Paris, mais pas du tout, ce Radio Resto, Radio Resto, évidemment, 48 heures de radio pour financer des kits pour les bébés. Il y a eu énormément de bébés, de parents qui ont dû faire appel au Resto du Cœur l'année dernière. 126 000 bébés entre 0 et 3 ans avaient des besoins. Les Restos du Cœur s'organisent pour leur payer des kits avec dedans des boîtes de lait, avec des couches, avec des petits pots. Et nous, on est ici pour vous engrainer un peu à donner. Vous pouvez aller sur le site Resto du Cœur.org, radio.restoducœur.org. Vous pouvez aussi nous voir en vidéo sur YouTube si vous avez envie de voir nos têtes et surtout de voir mon maillot. Je suis la seule à m'être mouillée d'ailleurs aujourd'hui. On est ici avec Jean-Louis Tour d'RMC, avec Florian Gazan d'RTL, avec Eric Rabessandratana de France Bleu Paris et du PSG et de plein d'autres chaînes de télé d'ailleurs, parce que maintenant tu fais aussi la chaîne L'Équipe, oui, TV5 Monde. Multitâche, voilà. C'est le couteau suisse. Exact, le couteau malgache. Bien. On l'appelle le couteau malgache. Il a une seule lame. Mais quelle lame. Et Patanjali de RFM, ouais. Le roi de l'intro. Toi, t'es vraiment un peu un roi de la musique, en fait. Bah, j'adore la musique depuis que j'ai 10 ans. Donc, heureusement que je m'y connais un tout petit peu. Mais oui. Non, mais c'est bien d'avoir des spécialistes autour de la table. Bon, les garçons, on a parlé des JO, on n'a pas parlé des Paralympiques. Là, pour les Paralympiques, vous n'allez pas me la faire à l'envers, tout le monde était rentré à Paris. J'étais à Longtemps, j'avais Philippe Croison tous les matins, donc j'étais au courant. Exactement. On l'a vachement vu pendant les. Ah non, mais il était génial, Philippe. Franchement, c'est un porte-parole du paralympisme dingue. Il est vraiment engagé. Et lui, il était à fond. Il nous a mis dans cette énergie des Jeux Paralympiques. Et ce que je trouve extraordinaire sur ces JP, Jeux Paralympiques, c'est que on a pu les voir à la télé. Et ça, c'est quand même. Ouais. Il faut rendre grâce à France Télévisions. Pour la première fois de l'histoire, on a vu finalement des Jeux qui ont été traités de la même manière que ceux des valides. On a vu toutes les épreuves, c'était hyper filmé, et du coup on a kiffé exactement de la même manière parce que on voyait plus, il y avait plus de handicap ou pas de handicap, il y avait des sportifs français et étrangers, et avec des disciplines dingues, franchement le badminton c'était absolument incroyable, même la boccia je rigole avec ça, mais c'était fou quoi, et franchement ça a fait beaucoup de bien je pense à la place du handicap dans notre société. Bon évidemment, 15 jours après nouveau gouvernement, il n'y a pas de ministre du ministère du handicap, bon là ils ont rectifié le tir vendredi après-midi, donc voilà. Il faut quand même relativiser, malheureusement. J'espère qu'il en restera un peu plus que les émotions. Jean-Louis, je te vois faire oui de la tête. Ouais, parce que moi aussi, j'étais emporté. Et ça, pour le coup, autant les Jeux valides, j'avais un peu anticipé le truc, je savais que ce serait génial, je m'étais organisé pour prendre des places, etc. Autant les Jeux paralympiques, je ne l'ai pas vu arriver. Et pourtant, on a été emporté un peu de la même façon. Et moi, c'est grâce à mes enfants, en fait, que ça s'est passé. Ça a été le moment des enfants, un peu, parce que c'était moins cher, les places. Exactement. Vous pouvez y aller en famille. Et en fait, dans leurs yeux, il n'y avait pas de différence, je trouve. Moi, je voyais une différence au début et j'ai trouvé qu'au bout de quelques jours, la différence s'était effacée. En tout cas, moi, on est allé faire une session d'athlée et en fait, j'avais l'impression qu'on faisait la même session que pour les valides. C'est-à-dire, je lui expliquais les mêmes trucs, je lui disais là, attention, il y a trois Américains dans la course, on va surveiller, là, regarde. C'est le lancer, le saut, etc. Et avec en plus cette dimension performance physique encore plus impressionnante. Je veux dire, nous on s'est passionné pour le concours de lancer du javelot féminin amputé, donc avec un bras en moins, une jambe en moins. Enfin, c'est des trucs exceptionnels. Puis il y a les performances sportives de dingue. C'est ça qui est dingue. Chercher, t'as le Cécy Foot qui est cette équipe qui est incroyable. Moi, je les suis déjà avant ça, je les suivais, et la performance que tu dois faire. Cécy Foot, c'est le football aveugle. Donc tu as un masque sur les yeux. Excusez-moi, t'as un masque sur les yeux et t'as un ballon avec une sorte de clochette à l'intérieur. C'est le seul repère que tu as avec une personne derrière le but qui donne des instructions pour dire que le but est à cet endroit au moment où tu vas éventuellement frapper et tout ça. Et c'est c'est quand même, il y a quand même beaucoup de paramètres à gérer. Il y a l'adversaire à gérer, il y a les partenaires à gérer, il y a le ballon surtout au départ à gérer. Si t'entends pas le ballon, exactement. Tu peux rien donc il y a aussi un respect aussi des gens autour pour ne pas faire trop de bruit parce que sinon tu peux pas faire l'activité. Donc voilà, on découvre des choses qui peut-être, j'espère, va donner, parce qu'ils sont pas très soutenus, le Cécifoot. Bah, en France, il y a un seul terrain homologué à Bondy, ouais, je crois. Et donc, j'espère que ça va donner. Ils sont pas affiliés à la Fédé. Ils sont pas affiliés à la Fédé, ils sont à l'Andisport, mais pas à la Fédé française de football. Ouais. Et ça, c'est bien dommage, parce qu'il y aurait beaucoup plus d'aide pour le Cécifoot. Et j'embrasse mon collègue d'RFM, Charlie Weber, qui était le commentateur sur place, et qui a déjà, il avait l'expérience, il a déjà fait, parce que c'est un Strasbourgeois, il y a un grand tournoi international à Strasbourg, donc il a posé sa candidature. Il a été pris et c'est un mec qui était génial parce qu'il a fait taire toute la foule, parce qu'il faut se taire à un moment donné. Oui, ils n'entendent pas le ballon. Qui joue, faut se taire. Donc en fait, il a géré la foule, il les a fait crier quand on pouvait et il les a calmés quand il fallait que les joueurs entendent. Et c'est un voilà, je l'embrasse. Il y a un truc, puisqu'on est entre professionnels des médias, il y a un truc que j'ai vachement aimé aussi dans ces jeux et notamment dans les Paralympiques, c'est que tu vois émerger des voix de gens qui suivent ces sports-là en dehors de tout ce qui est mainstream, du foot, du Real, du PSG, etc. Il y a des gens vraiment qui connaissent les joueurs, les joueuses, etc., dans des sports qui sont beaucoup plus confidentiels. Ouais. Et c'est génial de les entendre, ces gens-là, je trouve. Alors, là, tu as raison, dans les médias. Et moi, je trouve que sur les sites, justement. Ah ouais, les animateurs étaient incroyables. Mais on avait les champions olympiques des animateurs, des speakers. C'était dingue. Ouais, je me souviens d'une speakeuse à un match de volley que j'ai vu, Brésil-Kenya, féminin. Ouais. Franchement, mais elle était incroyable. Ah non, mais et surtout, je trouve que tous. Bon, après, ça se prépare, c'est un travail aussi, mais se sont mis dans les spécificités du sport à chaque fois qu'ils animaient. Et il y a des trucs pas simples. Je sais pas, pour animer du tir à l'arc, s'il y a des moments où on peut encourager, d'autres où on peut pas, et il faut mettre tous les gens au diapason, et ça, c'était très fort. C'était très fort. Puisqu'on parle de très fort, ça va être ton moment à toi maintenant, Flo. Donc Flo, je vous l'ai dit, il fait partie des grosses têtes. Je vous rappelle juste, avant qu'on commence cette séquence qui va être sans doute très très cool, que vous pouvez aller donner sur le site de Radio Resto ou sur le site des Restos du Cœur pour pouvoir financer des kits pour les bébés. Je vais mettre à jour mon truc, c'est tactile, c'est un truc de fou. 309 615 euros récoltés. Prochain objectif, 350 000. Et je rappelle, comme tu l'as dit tout à l'heure, Pat, que quand vous donnez 100 euros, en réalité, vous ne donnez que 25 euros puisqu'ensuite vous êtes déduit par les sur vos impôts de la somme qui reste. Pareil, si vous donnez 40, vous payez 10. Donc voilà. Si vous n'avez pas 100 euros à mettre, vous pouvez mettre. Voilà, ouais, bien sûr. Vous pouvez même mettre 10 et vous payez. Et voilà. Tous les dons sont importants. Il faut faire monter la sauce. Comme on dit. Bah oui, parce qu'avec 10 euros, on achète déjà un paquet de couches, par exemple. Oui. Donc voilà. Flo Gazan, tu fais partie des grosses têtes à RTL. Il paraît, oui. Et donc, tu as eu une idée de génie. au moins. Au minimum. Vas-y. Je me suis dit qu'on allait jouer aux grosses cuisses. À côté du sport. Bon, il y a pas beaucoup de grosses cuisses autour de la table, mais il y en a deux. Ah, il s'est pas reconnu. Je vais faire mon Laurent Ruquier. Je vais vous poser des questions sur le sport. Mais avec l'habillage et tout, j'adore. Ah, bah, trop cool. Trop bien. Je mets à fond. Alors, tu fais des présentations. Aujourd'hui dans les grosses cuisses, il a joué au Paris Saint-Germain, il a joué également à Mons, à Châteauroux, et puis après il a disparu de la circulation. Eric Rabé Sandrata. Ouais, ben oui, bravo. Merci. Oui, bonjour. Rabé. Il aime le disco, il aime le tennis, il aime les courses de NASCAR, il aime la Corse, il aime beaucoup de choses. Patangeli. Oui, merci beaucoup. Il aime Florian Gazan. C'est bien. Mais oui, évidemment. Ouais. Et enfin, celui qui est un petit peu la roue de secours de Jérôme Rotten. pas uniquement à l'antenne, dans les quiz également, Jean-Louis Tour. Mais oui, bravo. Oh, Jean-Louis. Merci. De France. Le jeune. Et enfin, celle qui aime le PSG plus que tout au monde, peut-être même plus que ses enfants. Allez, on va dire égalité. Il y a des enfants qui sont en régie. Hein. Oui, et qui valident. Qui vient de sortir d'ailleurs. Bon, vous êtes prêts? Allez. Bon, alors la première question, c'est que des questions sur le sport. À vous de. Facile ou c'est pas facile? Bah non, c'est pas facile, okay. Sinon ça va durer 30 secondes. Okay. Eric, t'es vraiment ancien joueur de foot, toi. Alors, on va commencer par une question de hockey sur glace. Oula! Okay. Bon. À Détroit, vous connaissez Détroit, la NHL. À Détroit, qu'est-ce que les supporters des Red Wings, donc l'équipe de Détroit, balançaient sur la patinoire avant les matchs de play-off pour la Coupe Stanley? Des peluches. Non, pas des peluches. Ça se mange. Ils étaient à domicile, les supporters. Ils étaient à domicile. Ouais. Et tous les matchs en fait de la Coupe Stanley, uniquement c'était pendant la Coupe Stanley. Des sous-vêtements. La finale. Ça se mange. Ça se mange. Oui, ça peut se manger. Ouais. Pas des briquets alors. Allumés. Non. Pas des fleurs. Ça peut se manger. Ça peut se manger. Non, pas des fleurs. Ça peut se manger. Des hot dogs. Non, pas des hot dogs. Des chips. Non, pas des chips. Lancer des chips sur une patinoire. Des bonbons. Attends, ça peut se manger. Des wings de poulet, c'est ce que c'est. C'est des wings. Alors, c'est pas des wings. C'est pas mal. Non, c'est pas des wings de poulet, mais. Des écrevisses. Alors, c'est dans cette catégorie-là. C'est vivant. Des moules. C'était. Des moules. Des moules. Et l'odeur à la. Non, ça, des moules. Je sais pas. Des crevettes. Des poissons. Non, pas des crevettes. Des homards. Ah, il vous reste 30 secondes. Non, pas des homards. Des sardines. Des huîtres. Allez, je vous donne un petit indice pour vous aider. Pensez à un pronostic pour la Coupe du Monde à une époque. Des poulpes. Voilà, des poulpes. J'ai dit en premier, Jean-Louis. Non, ouais. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Bonne réponse de Pierre. Et de Jean-Louis. Alors, il lançait des poulpes. Ça date des années 50. En fait, les Red Wings étaient en finale de la Coupe Stanley contre les Maple Leafs de Toronto. Et à l'époque, pour gagner une série finale, il y avait 8 matchs, il fallait gagner 8 matchs. Donc il y a deux poissonniers qui ont eu l'idée, pour porter bonheur à Détroit, de balancer un poulpe sur la patinoire, parce qu'un poulpe ça a 8 tentacules, en disant voilà, chaque tentacule correspond à une victoire. C'est tiré par les tentacules. Ils ont fait ça, mais en attendant, Détroit a remporté la série, ils ont gagné la Coupe Stanley, et c'est devenu un rituel à Détroit pendant la Coupe Stanley. Quand ils sont en finale, on balance des poulpes. Ça a été interdit en 2011. Quand on est sur un poulpe. Déjà, il n'y avait plus un poulpe dans. Aucun animal n'a été blessé sur la bassine. Il n'y avait plus un poulpe disponible. Et donc, ça a été interdit. Ça a un petit peu râlé. Il y avait des amendes. Mais aujourd'hui, dans la patinoire de Détroit, quand ils sont en finale, il y a une sorte de pieuvre géante qui descend avant les matchs. Ça fait partie des animations. Et voilà, c'est un rituel à Détroit. Cette sorte de poulpe. C'est très cool. Très original. Une pensée pour Paul Le Poulpe, qui nous écoute peut-être qu'il est mort. Il a fini la plancha. On s'est régalé. Question foot maintenant. Celle-là, je pense qu'elle va être facile en plus avec Jean-Louis. C'est une question sur Kylian Mbappé. Vous savez qu'il est friand de stats, qui compte tous ses buts. Si je vous dis 0, ça correspond à quelle stat ? Carton rouge. Non. Et 0. C'est pas les buts de la tête. Et victoire en Ligue des Champions. 0 regret d'avoir quitté Paris. Ligue des Champions. Victoire en Ligue des Champions. C'est 0 Ligue des Champions. Ça compte, oui. Mais c'est pas ça. C'est un truc du terrain. C'est un truc du terrain, ouais, c'est une stat. Zéro échange avec Nasser depuis qu'il est parti. Ouais. Moins ça. Avec le banquier de Nasser, parce que là. Attends. C'est pas zéro but marqué de la tête ? Il en a marqué quelques-uns. Zéro but sur coup franc ? Zéro but sur coup franc. Bonne réponse, bien joué. Depuis c'est vrai. Qu'il est pro, il a jamais marqué une seule fois sur coup franc. Il en a presque jamais tiré. Ouais. Il n'en tire pas, en fait. Ah, si, à un moment, il a voulu les prendre. De France, il tire les coups francs. C'est horrible. Il a jamais marqué, c'est marrant, c'est un truc un petit peu particulier. Question rugby maintenant. Quelle est la différence entre les maillots des bleus au foot et ceux des bleus au rugby ? La matière. La couleur. Enfin, le la bleu. matière. Non, pas la couleur, c'est le pas la nombre couleur. D'étoiles. Il y a une différence entre le maillot de l'équipe de France de foot et le maillot de l'équipe. Pas les maillots. Non. C'est pas le coq. On a dit le col déjà. Le col. Il y a un col différent. Non, c'est pas un truc de stylisme. D'accord. Parce que les maillots changent tout le temps, donc ça serait. C'est à géométrie variable. Sinon. Les numéros ? Alors, ça, c'est pas long. Il n'y a pas de nom. Au rugby. Il n'y a pas le nom des joueurs. Il n'y a pas le nom des joueurs au rugby, alors qu'il y a le nom des joueurs au foot. Pourquoi? Parce qu'en fait, au rugby, le poste est affilié à un numéro. C'est-à-dire que quand tu joues, quand tu vas jouer demi de mêlée, quoi qu'il arrive, t'es numéro 9, tu peux pas choisir le 67 ou le 23. Donc, c'est pour ça, il n'y a pas les noms sur les maillots. Alors, je crois qu'ils y sont maintenant en club, en top 14, mais en équipe nationale, il n'y a pas les noms. Ça fait partie d'ailleurs des trucs qui font que c'est difficile à suivre quand tu connais pas bien. Parce que tu reconnais même pas les joueurs, donc, et comme tu connais pas non plus les numéros, Ni les joueurs ni les numéros, ça commence à devenir compliqué. Il te faut une assistance, quoi. Oui, existe un commentateur. Une question Jeux Olympiques maintenant, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il y a eu 300 morts lors des premiers Jeux Olympiques à Paris en 1900? Pourquoi il y a eu 300 morts? Des accidents de cheval? Non, mais c'est lié à un animal. Sanglier. Sanglier. Quoi, il y avait une épreuve de lancer de sanglier. Il est dans Astérix et Obélix. Il y avait une invasion de moustiques. Non. Paludisme. Non. Serpents. Non, c'est pas des serpents. Morts, À Paris. 300 morts. 300 morts. La rage des chiens. Non, pas la rage. Les rats. Il y avait des vachettes. Non, les rats, il y en avait beaucoup plus. Des vachettes. C'est pas interdit. C'est un animal gros. Parfois les JO. C'est un gros animal. C'est pas un gros animal, non. C'est plus un insecte, genre. Non, un peu plus gros quand même. Un hamster. Oui, ils jouent au foot avec des hamsters. Oui. C'est une maladie qu'un animal a transmise ? Non, c'est pas une maladie. Non, c'est des animaux qui sont morts. Des animaux qui sont morts. 300 personnes ou 300 3, animaux. Ah, des pigeons. 300 pigeons qui ont été morts, qui ont été tous, parce qu'il y avait une épreuve de tir aux pigeons en 1900. Et il y avait vraiment des pigeons vivants. Il les balançait, bam. Voilà, et le médaillé d'or, c'est un Belge. Léo de London, il avait abattu 21 pigeons. Voilà. Ah, en grandeur nature, quoi. Ouais. Un truc de fou. Ah, c'était, c'était une autre époque. Hein. C'est l'époque où il y avait l'arbalète. Bon, il y avait le tir à la corde, le, la course en sac et tout ça. Il y avait même une épreuve de, littérature dans les premiers JO. Ah ouais, le Coubertin qui s'est intervié. Avec des pigeons. Il faudrait le refaire aujourd'hui. De littérature. Ça serait beau. On rigole. Allez, vous avez 4 heures pour remplir une copie double. Ça serait beau. Bonne chance, les gars. C'est ouf. Bon, encore une question JO. Allez, bah oui, bien sûr. Pourquoi McDo a gardé un très mauvais souvenir des JO de 1984? C'était à Los Angeles. Oh. Ils étaient en rupture de stock. Non. Alors, ils étaient sponsors, ils avaient financé la piscine olympique. Hein, c'est eux qui avaient payé la piscine olympique. Le clown s'est noyé dedans. Non. Non, non, il n'y a aucun lien avec la piscine. Ronald. Il n'y a aucun lien avec la piscine. Il y a eu une intoxication alimentaire. Les attentats, non, il n'y a pas. Non. Il y a eu un boycott. Il y a eu un boycott, ouais. Ah. Il y a eu un boycott. Pour le 84. Le... 84. Tous les athlètes de l'Est. Non. Ouais, boycott, ouais. Ouais. C'est lié à ça. Pas mal. Ah, c'est pas la réponse. J'étais content. J'attendais là, bravo. La conséquence. Bon, alors, je vais vous donner la base. Ils ont moins vendu qu'ils avaient prévu. Je vais, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Je vous explique. En fait, ils avaient lancé une grande opération marketing McDo avant les JO de 84. La règle était simple. Quand il y a un Américain qui remportait une médaille de bronze, ils offraient un soda. Pour une médaille d'argent, ils offraient des frites. Et pour une médaille d'or, ils offraient un Big Mac à tous les gens qui venaient chez McDo. Oh, ça motive. Sauf que le problème qu'ils n'avaient pas prévu, c'est le boycott des Russes. Résultat, il y a eu 174 médailles pour les Américains, 83 en or, et ils ont perdu des millions de dollars. Ils se retrouvaient vraiment au bord de la faillite. McDo, ils ont failli fermer à cause de ça. T'es dommage. Je garde un mauvais souvenir de ces JO. On aurait mangé quoi le dimanche avec les enfants? Des trucs sains. Des trucs sains. Que tu aurais cuisiné toi-même. Ah non. Vous voulez faire une petite pause disque ou on continue? Parce que j'en ai plein d'autres. Comme tu veux. Bah moi j'adore jouer. Allez, on joue. Ah, une question foot. Pourquoi le Brésilien Rogério Ceni détient un record qui ne sera sans doute jamais battu? Ça y est, Jean-Louis. Ah vas-y, Jean-Louis. Mais il a mis le record de penalty ou de coup franc, de but marqué par un gardien. C'est le record de but marqué par un gardien. Il est effectivement goal à Sao Paulo. Il est resté 15 ans au club et il tirait tous les coups de pied arrêtés. Il a marqué 132 buts dans sa carrière. Wow. C'est un record absolu, ouais, 132 coups. Beaucoup plus que Mbappé, du coup, au niveau des coups de pied arrêtés. 132 de plus, ouais, du coup, forcément, c'est une émission. Ouais. Et ça, ce sera certainement jamais, jamais battu. Petite question foot. Ça, Eric, il est bonne intervention, bien. Pierre. Il a mis combien de coups francs? Il aime bien quand je parle de mathématiques. Des coups francs? Ouais, je sais pas, j'en ai marqué, mais je sais plus. Comme par hasard. Ça veut dire zéro, non? Non, c'est. T'en tirais, toi, les coups francs? Mais indirect, on décalait le ballon. Est-ce que je compte jeune ou est-ce que je compte que professionnel? Même en comptant tout, à mon avis, ça montrera pas très haut. Je sais pas, non. Non, par contre, il mettait vraiment des buts, Eric. Il mettait des très beaux buts. Je sais qu'il a marqué des buts. Il en a marqué 48. Non, plus. Wikipédia dit 48. Oui, mais Wikipédia ne connaît pas toute l'histoire. Alors, combien ils ont marqué? J'en ai mis 51. Ouais. Mais je sais pas. T'as mis des buts qui comptent double, tu sais que ça marche mieux à l'extérieur. J'ai mis des buts en Belgique et je sais même pas s'ils les ont comptés. À Mons, si, ils sont comptés. C'est sûr? On est en train de. Mais t'es fiable sur ta carrière de... Oui, bien sûr. Mais qui êtes-vous, monsieur? Il parle de sa carrière. Bon, question foot, celle-là, c'est un classique, mais elle est tellement drôle, l'histoire. Pour quelle raison Liverpool a perdu 1-0 face à Sunderland le 17 octobre 2009? Pourquoi ils ont perdu le match? Coupure de courant. Non. 2009, t'as dit? Ouais, les images existent sur YouTube, je vous encourage, vous taperez Sunderland Liverpool octobre 2009, c'est extraordinaire. Il y a pas un chien qui empêche la fin du match? Non, il y a pas un spectateur qui marque le but, je sais pas quoi, un truc comme ça, non? Non. Non, mais c'est il y a une histoire d'intervention extérieure. Mais le match est interrompu. Mais oui, mais c'est pas ça, il y avait pas une histoire de d'animal qui coupe et que le ballon qui tape dessus. Je te dis que non, c'est Eric. Alors, ça c'est dans Didier, ça c'est un film. Tu peux me reposer trois fois la question, je te dirai toujours non. Est-ce qu'il y a un lien avec un oiseau? Non, il y a pas de lien avec un oiseau. Mais c'est avec un animal. On m'a soufflé un truc et c'est même pas le bon truc. Non, c'est pas un animal. C'est un ramasseur de balles qui dévie la balle? Non, il y a une histoire de balle déviée, ouais. Mais dévié par l'arbitre. Ah, dans la caméra. C'est pas l'arbitre? Non. À l'époque, il y avait pas de caméra en arrière. Non. Qu'est-ce qui peut dévier? Une motte de terre. C'est pas un oiseau. Non, c'est l'arbitre, pas une motte de terre. L'arbitre qui marque? Non, ça vient de l'extérieur. L'entraîneur? Non. Ah, un kiné, non, c'est pas le kiné qui marque? Non, c'est au-delà du terrain. C'est pas le kiné. Au-delà du terrain? Un extraterrestre? Non, c'est une touche, c'est pas sur une touche? Non. Elle est nulle, ta question, elle est nulle. Bah, elle est pas nulle, c'est vous qui êtes nul en réponse. Moi, je suis très... Alors, qu'est-ce qui s'est passé au tout début du match contre Sunderland? Il y a un supporter de Liverpool qui était dans le COP qui a lancé un ballon de plage qu'il avait gonflé sur le terrain. Et donc, le ballon, on est au tout début du match. Le ballon, il se baladait et tout. Et puis, à la cinquième minute, il atterrit dans la surface de réparation de Liverpool. Là, t'as le ballon qui est là. T'as Darren Bent, qui est le joueur de Sunderland, qui frappe. Le ballon touche le ballon de plage. Ça le dévie. Et là, t'as Pepe Reina qui est dans les buts. C'est pas ce qui lui arrive. But pour Liverpool. Le but est validé. Alors qu'en fait, finalement, dans le règlement, il aurait pas dû. Mais l'arbitre connaissait incroyable. Pas bien le règlement. En 2009, le but est validé. 1-0. Et Liverpool ne reviendra jamais. Ils perdent le match. Et derrière, alors le gamin qui a lancé le ballon, il a reçu des menaces de mort. C'est un enfer. Et le ballon, aujourd'hui, ce ballon, il est exposé au Musée National du Foot à Manchester. Donc énorme, si vous y allez un jour, vous verrez. Salut, Icar. Salut. Alors, Flo, il aime pas le suspense. Mais moi, j'aime pas le suspense, mais je suis un mec poli. Ne raconte jamais, je suis suspect. Ben c'est Kaiser Soze, c'est Kevin Spacey. C'est bon, il y a prescription, tout le monde l'a vu. Et donc oui. Voilà. Et donc, le ballon, allez sur YouTube, les images, c'est absolument hallucinant. Cette histoire de ballon de baudruche, c'est incroyable. C'est complètement fou. C'est dingue. Flo, on a le temps pour encore une question. Et si ben ça tombe bien, une dernière. Réponse. C'est une question qui n'est pas du foot. Je vais pas vous donner le sport tout de suite, mais je vous aiderai. 643, à quoi correspond ce chiffre? Donc, voilà. c'est pas du foot. Si t'as pas d'indice. Cherchez le sport. Lié au JO? C'est pas lié au JO. Enfin, c'est un sport qui est au JO c'est ou pas? Un sport c'est un sport qui est au JO, ouais. C'est comptabilisé plusieurs scores de quelque chose ou non? Rien à voir. Hein? Est-ce qu'il y a de l'eau dans ce sport? Il y a trop de syllabes. Est-ce qu'il y a de l'eau? Oui, au changement de côté. C'est le nombre de haies aux 50 km haies. Donc c'est du tennis, c'est un sport de raquette. C'est du tennis. Ah, exactement, 143. C'est du tennis. 643. Le nombre de balles utilisées dans un tournoi. Le nombre de quoi? De balles utilisées. Non. Le nombre de balles coincées sur le toit de Roland Garros. C'est un record. 643 minutes. C'est un record. 643 km/h, un service. Sur un tournoi. Ça se voit que tu connais rien au tennis. C'est Hulk. Le nombre d'ays de quelqu'un. Non. Le nombre de victoires de quelqu'un. Non. De points gagnants. Non. Le nombre de fois Nadal s'est remis les fesses avant de servir non plus. C'est le record du nombre de coups échangés lors du plus long échange de l'histoire du tennis. 643 coups. Wow. L'échange a duré 29 minutes. Mais ça a l'air incroyable. C'était Sundström contre Willander. 29 minutes. C'est un mec qui a commenté ça. C'est un match féminin. Nelson Monfort, il a dû un torticolis. Alors là, il reste 10 secondes. Elle était ouf cette. Alors c'était en 83. C'était donc le match. Le match a duré 6h31. C'est également le match le plus de tennis féminin le plus long de l'histoire. C'était Vicky Nelson qui l'a remporté. 6-4-7-6, il y a que 2-7, vous imaginez, c'est hallucinant. Elle lâche rien, les filles, quoi. 29 minutes, l'échange incroyable. Franchement, pour qui a joué au tennis, c'est improbable de faire un échange de 29 minutes. C'est improbable total. Pour qui n'est pas capable de courir plus de 5 minutes aussi. Vous écoutez Radio Resto, il est 17h, les 2 minutes d'info réalisées par les étudiants de l'IGENSIA. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi. Au sein des Restos du Cœur, il y a des personnalités exceptionnelles, des femmes et des hommes engagés depuis la création de l'association. Je m'appelle Maxence et avec mon confrère Jarod, nous sommes allés à Gennevilliers, à quelques pas du terrain vague où tout a commencé. S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris, par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Nous, on est prêts à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000, 3000 couverts par jour, gratuitement. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Cette voix, vous l'avez reconnue, c'est celle de Coluche, le fondateur des Restos du Cœur. Cet appel, il l'a fait le 26 septembre 1985, il y a donc bientôt 40 ans. Quelques semaines plus tard, le premier centre des Restos du Cœur ouvrait à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine. Françoise, l'une des bénévoles, s'en souvient. Quand ça a débuté, je me rappelle, j'étais jeune et avec ma maman, on avait donné tout de suite, on avait fait un petit chèque pour le début des restos. Et moi, je trouve ça bien de pouvoir aider les gens et tout. Ça fait du bien à nous. Ça fait du bien à eux aussi, un petit peu du monde. Bonjour ma petite dame. ben voilà, regardez. Ça va aller? Allez, je vous souhaite une bonne journée puis bon week-end. À Gennevilliers, les bénévoles distribuent de la nourriture, bien sûr, mais aussi des vêtements, des fournitures scolaires et des appareils électroménagers. Les demandes cessent d'augmenter de jour en jour, comme nous l'explique Francis, directeur du centre. Régulièrement, de toute façon, ça augmente. Comme on parlait tout à l'heure, faire ses achats, ses courses, ça coûte cher. Les prix augmentent sans arrêt, donc oui, effectivement, on a de plus en plus de bénéficiaires. C'est chaque distribution, le mardi ou jeudi, on a, on va dire sur une semaine, même si ce n'est pas important sur un centre comme Gennevilliers, mais on a une dizaine d'inscriptions par semaine. C'est quand même énorme à notre époque. Vous l'aurez compris, l'association doit s'adapter pour répondre aux besoins croissants. C'est désormais tout un réseau d'entraide et d'accompagnement qui s'organise pour faire face aux réalités de la vie des plus démunis. Au total, ce sont 10 000 personnes qui sont accueillies dans les Hauts-de-Seine. Radio Resto, les animateurs radio de France se mobilisent pour les Restos du Cœur. On est à l'antenne sur Radio Resto, mais trop bien, mais j'adore. On écoute un peu de musique tous ensemble et on revient juste après avec Patanjali et avec un vrai musicien, pour de vrai. À tout de suite. Sans la nuit, pas de matin. Sans la pluie, pas de beau jour. Tu me dis, c'est un peu loin. Mais je dis, pas si on court. Si tu me tiens la main, eh bah ouais, tu me tiens la main. Si tu me tiens la main, eh bah ouais, tu me tiens la main. Moi, je veux rester là, à côté de toi. Sans le temps, pas de victoire. Sans le vent, aucun espoir. Tu me dis, ça sent la fin. Mais je dis, on verra demain. Si tu me tiens la main, eh ben ouais, tu me tiens la main. Si tu me tiens la main, eh ben ouais, tu me tiens la main. Si les hommes sont fêlés, la vie est belle. Alors on pourra même s'aimer, même si la terre se fait la belle, même si les hommes sont fêlés, la vie est belle, ouais. Moi, je veux rester là, à côté de toi. À côté de toi, juste. À côté de toi, moi. Je veux rester là. À côté de toi, juste à côté de toi, moi. Radio Resto, les animateurs radio de France se mobilisent pour les Restos du Cœur. Et autour de moi, quatre animateurs radio qui ont du cœur. Jean-Louis Tour, il est pas bien Jean-Louis, tu vois, quelle galère. Jean-Louis Tour d'RMC est avec nous. Voilà, Florian Gazan d'RTL est avec nous aussi, il vient de nous faire un quiz sur un mode de les grosses têtes mais pour les grosses cuisses, c'était très bien. Qui avait les plus grosses cuisses au final? Qui a marqué le plus de points? Je crois que c'est Jean-Louis quand même qui a été le plus brillant. Je suis pas sûr mais en tout cas ça fait plaisir. Ouais, allez, on va dire ça. Éric Rabéjean Antania, ancien capitaine du Paris Saint-Germain et aussi commentateur des matchs du Paris Saint-Germain sur France Bleu Paris est avec nous. Mets ton micro, ton micro est éteint, micro, je crois, mais voilà. Et c'est non, ça ouais. le problème. Et Patangeli à côté de toi, Eric, t'inquiète, on va te rallumer ton micro. Patangeli d'RFM qui est là aussi. Pat, je vais te passer la parole dans un instant pour qu'on va vivre un moment hyper cool tous ensemble. Mais avant, je vous rappelle qu'on est là pas que pour parler de sport et pour rigoler, mais aussi pour arriver à financer des kits pour les bébés de 0 à 3 ans. 126 000 bébés de 0 à 3 ans ont été aidés par les Restos du Cœur en 2023. Le chiffre n'arrête pas d'augmenter. Là, vous pouvez donner là tout de suite sur le site des Restos du Cœur, restosducœur.org. Vous cliquez sur faire un don. On est actuellement à 310 255 euros collectés. L'objectif, le prochain objectif, c'est 350 000 euros. On a tous envie que ça monte très très haut puisque c'est évidemment la période cruciale de la vie. Les 0 à 3 ans, les enfants ont besoin qu'on s'occupe bien d'eux. Ils ont besoin de bien manger. Ils ont besoin d'être dans un climat serein. Donc, il faut à tout prix les aider. Voilà. Je te passe la parole, Patangeli. C'est toi qui drive. C'est mon petit rendez-vous musical tous les ans quand on est là, depuis le début de Radio Resto avec Laurent Petit-Guillaume. J'essaye d'avoir un chanteur, une chanteuse. Et j'ai appelé Icar, qui est non seulement un grand artiste qu'on admire tous, qui est un enfoiré et qui est un pote aussi. Et il y a des gens que tu appelles et sur qui tu peux compter. Et je leur remercie d'être là. Salut Icar. Salut, merci à tous. Salut Icar. Je ne savais pas que ça existait, ça. La radio éphémère. C'est magnifique. Ouais. Vraiment, c'est tout à votre honneur. Je suis honoré d'en faire partie et merci de m'avoir convié. Et merci à toi parce que hier il était à Marseille, justement, il était grosse en concert. Erreur, déjà de base. Je rigole. Il est revenu ce matin. Voilà, il a sorti un album. Il fait deux zéniths bientôt. J'y serai à celui de Paris. Il sera le 18 octobre à Paris. À Paris, le 20 à Lille et puis une tournée après, un petit peu partout à partir du 11 novembre partout en France. Et je vais te dire un truc. Alors, il faut que tu te bouches les oreilles. C'est une des plus belles plumes de la chanson française. Ça, c'est un gars qui écrit des choses, mais regardez ses textes, lisez-les. Il écrit des chansons qui sont géniales. D'ailleurs, dans son dernier album, il y a un duo avec Patrick Bruel qui s'appelle Origami. On va écouter quelques extraits. Tiens, allez, c'est parti. Alors ça, c'est celui avec Claudio Capeo. Ça s'appelle Au Javel. Ouais. Ça, c'est avec Claudio. Ça fait partie de ton album. Ouais. On a les titres qu'on mérite, hein, Au Javel. Voilà. Si on pouvait mettre un extrait d'Origami aussi avec Patrick Bruel, les amis. Je veux profiter de mes 20 ans, jusqu'au moins 120 ans. Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs. Voilà Icar qui écrit pour plein d'artistes. Il a écrit une chanson que j'adore pour Patrick Fiori qui s'appelle Le Chant est libre. J'adore cette chanson. Et puis Patrick Fiori est une des plus belles voix de la chanson française. J'aurais bien voulu aussi avoir un petit extrait de ton duo avec Zaz. Avec Citron, parce qu'il a fait tous les produits ménagers. Pas mal, c'est un concept d'album. Ouais. Allez, le duo avec Zaz, on l'a ou pas? Ouais. Cette vie nous aura à l'usure. Faut profiter. Des animaux fragiles que tout le monde connaît. Et puis un petit dernier pour la route, parce que j'avoue, ça c'est très personnel, ça m'a vraiment touché. Tu as écrit une chanson pour Zaz, ça s'appelait Si jamais j'oublie. Et cette chanson m'a touché de très très près. Je suis pas le seul ici, je dirai pourquoi après. Si on peut en écouter un petit extrait. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les. Voilà, à chaque fois j'ai les tripes qui se serrent parce que c'est une chanson sur les gens qui oublient. Alzheimer et toutes ces choses-là et qui vont avec et l'amour qu'on peut écouter, ça m'a touché de près. Je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent des gens qui ont été touchés dans leur famille. Donc voilà, c'est une chanson qui m'a touché et bravo pour tout ce qu'on a. Ouais. Pour tout ce qu'on écoute, c'est tes chansons, hein, Icar. Mais c'est moi, un petit mot sur Icar. Je l'ai découvert au tout début quand il avait fait la Nouvelle Star. En 2008. Et, voilà, et il a pris son temps, il a fait son chemin. 2008, ça fait 15 ans. Et c'est un parcours un peu atypique. Et t'es un mec atypique, mais on a besoin de gens atypiques. C'est ce qui fait briller un petit peu le quotidien. Et moi, je suis hyper émerveillé de la façon dont t'as mené ta barque dans un monde où tout va trop vite. Toi, t'as pris ton temps. Non, mais c'est peut-être plus le temps qui m'a pris, hein. T'aurais voulu aller plus vite peut-être. Non, mais voilà, on est tellement dans une logique et surtout dans le foot. Hein, s'il y a plein de jeunes qui nous écoutent, il y a des projets Mbappé, on voit tout de suite le sommet de la montagne, mais on ne prend pas le temps de s'imaginer gravir. Et c'est du travail, c'est un vrai boulot. Et j'ai appris sur le tard, tu sais, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de coach avec nous. Tu vois, tu fais ton métier, j'ai pris les chemins de traverse et grâce au ciel, je me retrouve en bonne santé déjà, sur mes deux jambes à 40 ans et j'ai l'honneur de faire les scènes que je fais aujourd'hui. Je suis plein de gratitude, franchement. Et t'as un tatouage Joy Boy sur le bras, ça veut dire le garçon joyeux, de la pour joie. Ceux qui ont la référence, c'est une animation japonaise qui s'appelle One Piece. Moi j'étais parti sur de la philo, tu vois. Non mais c'est de la philo, vous n'avez pas idée à quel point c'est inspirant, hein, parce qu'ils ne font rien pour, sous ces costumes d'amusement là, il y a de vraies belles philosophies et de vraies morales, et c'est bien, ça éduque bien nos enfants. Joy Boy, c'est l'accession suprême au bonheur après un long labeur, ça ressemble un peu au chemin. C'est exactement ça. C'est le chemin d'envoyer. Il a le tatouage des Restos du Cœur. J'ai le Restos du Cœur aussi. Donc c'est un enfoiré. Tu t'es fait tatouer le logo des Restos du Cœur? Oui, parce que je fais confiance au bruit du monde et je dis toujours que Dieu parle dans la bouche du voisin. Donc lorsque la vie m'envoie des choses à côté de moi, comme ça, j'aime me les... Au cas où, justement, j'oublie. Si jamais j'oublie sur mes bras un peu mon corps, c'est mon passeport et il y a les tampons. Voilà, il y a des moments de ma vie. Mon premier Olympia, il y a des choses. Et t'as un tatouage Franprix, parce que je crois qu'il y en a un à côté de chez toi. Non, j'ai juste mis le code barre de la carte fidélité. Absolument. Au cas où j'ai oublié la carte. Voilà, je crois qu'on a retrouvé l'extrait de Patrick Fiori. Moi, je me lasse pas de cette chanson. Hein. Allez. Le sang est libre. Quelle voix, ce monsieur. Et quel homme. Voilà, ça c'est toi aussi. Et puis, on n'en a pas passé un que tu vas nous chanter, que tu as accepté. C'est la chanson des Enfoirés de cette année que tu as composée avec Patrick Bruel. Ouais. Et justement, quand on parlait de destin, j'étais sorti courir. Je cours tous les soirs mes 10 km. C'est un peu une amende sur mon corps. Et je vais aller la chanter, mais je vous raconte l'anecdote. C'est qu'il m'avait dit, attends-moi, j'aimerais bien proposer pour le resto une chanson. Depuis 93, j'y vais et je n'ai jamais proposé. Et moi là je suis comme un fou, du coup j'ai des dominos dans ma tête, je suis hyper actif, je rentre à la maison, je vais courir et vers le Champ de Mars, ce soir-là, alors que tous les soirs je passe là-bas, il n'y a pas ce camion, il y a un camion des Restos du Cœur, le même soir, dans la nuit froide de janvier, que j'évoque dans la chanson. Et je n'interromps jamais mes 10 kilomètres, et là j'étais au 6e, j'ai arrêté, je suis rentré vite à la maison, et les mots sont immédiatement sortis, je crois que j'ai écrit ce texte en 5 minutes, je commence à faire la musique, je fais oh, « Patrick, j'appelle vite Patrick ». Et je lui dis, viens à la maison, j'ai commencé à faire, il me hurle dessus parce que je ne l'ai pas attendu. Il arrive à la maison, il y avait PSG Rennes. Mais tu l'as fait sortir un soir de PSG Rennes. Il savait que c'était important. On a terminé le match, on a fait la musique à deux, et je vais vous la faire en humilité, en guitare, comme on l'a fait. Ouais. Le temps qui s'installe, on peut faire un don, je crois, non? Mais carrément, moi, ça y est, c'est fait. J'ai un don sur restoducœur.org. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur mon compte Twitter, Piapia Clément, j'ai mis des photos des quatre animateurs qui sont autour de moi qui sont en train de faire leur don sur leur téléphone. Vous allez donc tu le faisais pas tout à l'heure? Tu faisais semblant alors? Non, c'est un mytho. Ils ont un Candy Crush. Ils avaient pas un beerboard d'abord. Excusez-moi, c'est un peu long, mais donc, faire un don sur le site restoducœur.org. On est à 310 255 euros récoltés. L'objectif prochain, c'est 350 000 euros. Et je vous rappelle que le but, c'est de financer des kits pour les enfants de 0 à 3 ans avec des boîtes de lait en poudre, avec des couches et avec des petits pots. Icar, on t'écoute. Si tu entends nos voix, c'est qu'on est encore là à compter les saisons. Tu reviens comme l'hiver, nous, on te voudrait pépère au chaud dans ta maison. Si c'est vrai qu'on s'amuse, les années nous accusent d'une énième chanson. Trop longtemps déjà qu'aujourd'hui plus le droit d'avoir faim, d'avoir froid. On a tout essayé, ou presque encore, allez. Alors on va crier qu'on reste, nous on reste jusqu'au dernier. On va tout essayer, on reste, nous on reste jusqu'à la fin de la fin, jusqu'au dernier refrain, jusqu'au dernier. Chaque fois qu'on passe à table, on accepte l'inacceptable, qu'un de nous peut manquer de chaleur et d'amour, mais qui volera son secours dans la nuit de janvier. C'est vrai qu'on s'amuse, les années nous accusent. Une énième chanson. 35 ans déjà, qu'aujourd'hui plus le droit d'avoir faim, d'avoir froid. On a tout essayé, ou presque encore, allez. Alors on va crier qu'on reste, nous on reste jusqu'au dernier. On va tout essayer, on reste, nous on reste. Jusqu'à la fin de la fin, jusqu'au dernier refrain, jusqu'au dernier. On reste jusqu'au dernier, jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier, jusqu'au dernier, jusqu'au dernier. Oui, bravo, Hicham. Tu sais, là où je suis content, c'est quand je vois Laurent Petit-Guillaume qui a organisé Radio Resto depuis des années, qui chante en même temps. Là, je sais que j'ai gagné et que ça lui fait plaisir. Oh, il est ému, Laurent. Merci, Hicham, bah oui. C'était magnifique. Merci, Hicham. C'est un des plus grands honneurs de ma vie. Merci beaucoup. Mais oui, merci d'avoir répondu. J'ai envoyé un message sur WhatsApp. Il m'a dit, écoute, si je peux, je viens de Marseille, je rentre, je suis là. Voilà, je rappelle quand même que tu fais deux zéniths et ça, c'est quand même. Non, si, quand même. Moi, je m'en fous, mais je fais de la promo quand même. En plus, le deuxième, je voulais même pas. J'ai bougé le deuxième. Parce que tout en oui, j'attends 15 ans pour faire un zénith, on m'en colle deux le même week-end. Non, je l'ai séparé de 6 mois, l'autre. Donc, c'est le 18 octobre au zénith de Paris. Oui. Et l'autre, il me met un dimanche, ils sont fous. Il y a match en plus. Il a regardé le calendrier. Jamais, vendredi 18 octobre, il y a à Paris. Et Lille, je fête le nouvel album le 27 avril. À Lille au Zénith avec mes amis qui sont sympa. Toujours en Ligue des Champions en avril. Alors attends, Hicham, moi j'ai une question parce que tu parles de foot. Tu parles de foot et moi il faut que je te raconte une histoire. Avant, enfin même encore maintenant, j'anime une émission sur le PSG. Donc je suis toujours à la recherche d'artistes qui sont fans du PSG. Et à l'époque, mon attaché de production qui s'appelle Franck Moyer, qui est aujourd'hui en régie, qui est là et qui est un ultra marseillais, on parle ensemble et je lui dis, tiens, faudrait que tu me cales un artiste qui s'appelle Hicham, il est super fan du PSG. Et là, Franck, il me dit, mais t'es ouf ou quoi, Hicham, il est fan de Marseille? Je dis, mais non, il est fan du PSG. Et là, on a débattu pendant une demi-heure et au final, on n'a pas su. Donc, je t'ai pas invité parce que je savais pas. Alors, c'est quoi la clé? T'es fan de quelle équipe? Je suis un grand fan déjà de football. Le gars, il devient politique en fait. C'est clair. On aime le maillot. J'avais le maillot. Sors de ce corps, Michel Bernier. J'avais le maillot de l'Olympique. Ou Adrien Rabiot. J'avais le maillot de l'Olympique de Marseille, Panasonic et la nuque longue, numéro 8, Chris Waddle, toute ma vie. Ah oui. Génération Bolly. J'ai joué. Berchté à ça, au Sénégal, qui est, voilà, cette ville cosmopolite et tout. Puis, je trouve que Marseille s'est égaré quelques temps. Et moi, ça fait 25 ans que je vis à Paris. Je vais souvent au stade et on a l'effervescence qu'il y a aujourd'hui depuis QSI, on a un Paris Saint-Germain qui est exceptionnel. Et donc, du coup, je suis souvent au stade. Donc, j'aime beaucoup Paris et je suis vraiment francophile. Donc, je supporte vraiment les équipes françaises. J'essaie de m'en sortir comme je peux. J'ai pas la fin de ce raisonnement. Si, je suis bien. J'aime le foot et j'aime l'Olympique de Marseille et le PSG. Et j'aime les équipes qui vont en Ligue des Champions nous représenter. Voilà, on a besoin d'unir en ce moment. C'est beau, jamais. Moi, j'ai une petite anecdote quand même avec Hicham. On a eu le bonheur de partager une soirée ensemble qui était géniale parce que lui, il est archi fan de Muse. Ouais, et donc on a été voir Muse à la salle Playel. On avait cette chance d'être. Je pense que des stades. On était là. Ouais, on était 3 mètres. On n'en pouvait plus. Et lui il disait, je crois que d'ailleurs quand t'étais jeune, t'as vendu devant Bercy ta PS3 ou je sais pas quoi. J'ai vendu ma Wii pour acheter une place. Pour aller voir aussi parce que le gamin voulait pas me vendre. Il était pas très doué lui, mais parce que je lui ai dit, je te donne tant. S'il te plaît, je voulais donner tout mon argent de poche pour voir Muse. Il me dit non. Je lui dis, je te donne ma Wii qui était moins chère que le prix que j'avais dit. Et le gars, il me dit, d'accord, je suis reparti à la maison, je lui ai donné. Et on a vu ce concert. Voilà. Et ce soir-là, j'ai voulu faire Playel devant toi. Exact. Et on a fait Playel l'année dernière. Voilà. Parce que j'ai voulu faire Playel. Exactement, il m'a dit, je veux faire cette salle, etc. Donc ça, c'est la première anecdote. Et l'autre anecdote dont tu te souviens peut-être pas, c'est que je pense que sa collaboration et ses contacts avec Patrick Bruel datent à peu près de cette époque. Et tout à coup, il reçoit un appel FaceTime en plein milieu de Starlight, je sais pas quelle chanson. Et c'était Bruel. Et donc, il répond. Et donc, évidemment, tu vois la tête de Bruel qui doit entendre. Et tu vois après la tête de Bruel qui fait. Je t'entends, je te vois pas, je t'entends. Le pire, c'est qu'il adore, il me dit oui, on m'avait dit de venir et j'ai pas pu. Et tout, l'ubiquité de Patrick, de la journée partout. Merci beaucoup d'avoir merci été à vous là. Du fond du cœur. Merci beaucoup pour votre accueil et votre bienveillance et ce que vous faites chaque année. N'hésitez pas. Merci vous répondrez présent. Merci. Et si vous avez aimé ce moment avec Icar, qui était vraiment très beau, merci beaucoup Icar. Bien soin de vous surtout. Mais oui. Et vive le sport. Vive le sport et vive la paix aussi, parce qu'en ce moment, c'est très compliqué. On en a besoin. Voilà. 310 425 euros qui ont déjà été récoltés sur le site. Alors attention, c'est plus simple si vous n'allez pas sur restoducœur.org, mais directement sur radio.restoducœur.org. Vous cliquez sur l'appli. On va faire un don direct. L'appli fonctionne super bien. C'est l'appli avec laquelle vous pouvez nous écouter, nous voir, faire le don, etc. Vous cliquez sur faire un don. Et je vous rappelle que la priorité cette année, c'est vraiment financer des kits pour les enfants de 0 à 3 ans qui sont de plus en plus en difficulté en raison de la pauvreté qui se généralise en France. Les enfants de 0 à 3 ans qui ont donc besoin de couches, qui ont besoin de pots, de lait en poudre, de petits pots aussi. Qui a déjà changé des couches ici? Oui, moi. Bah oui, quand même. Plein. Les miennes déjà? Ouais. C'est non, il te reste 2-3 ans. C'est pas encore, pas encore. J'ai eu 3 enfants, donc oui, j'ai mis la main à la pâte, si je puis dire. Voilà, Florent, 3 enfants. Florian, pardon. Eric, 4. 2. Voilà. Alors moi j'ai évité ça parce que j'ai un beau-fils que j'ai donc j'ai connu la mère, il avait déjà 4 ans. Donc si vous voulez, j'ai passé outre les couches. Exactement. Mais t'as eu les emmerdes. T'as eu les emmerdes, bien évidemment. Sûr, mais pas trop, ça va. C'est normal. Voilà, pour faire un don, radio.restoducœur.org. Et qu'est-ce qu'on avait prévu, les garçons, maintenant? Ah ouais, on a 7 minutes, je sais, mais avant. Ouais, on va faire ça. On peut faire mon quiz si tu veux. Hein. Non, ça c'est pour la fin. On a une surprise de ouf dans 7 minutes. Ça va être trop bien. Et ben, on va se faire un petit disque. On a chacun choisi 3 disques d'ailleurs avant de venir, dans des styles complètement différents. Ouais. Il y a du Nelly Furtado, il y a du Henry Salvador, il y a du Oasis. Alors, qu'est-ce qu'on part sur quoi, les gars là? Oasis, parce qu'ils reviennent, non? Allez, Oasis. Ouais, c'est Champagne Supernova, ça c'est mon choix, parce que j'ai pris des chansons qui sont liées évidemment au foot, bon, tout le monde sait, Oasis, Manchester City, avec le maillot d'ailleurs qu'ils ont porté cette année, à l'occasion de l'anniversaire de premier album d'Oasis, donc maillot collector, magnifique, qu'ils ont porté, et donc Champagne Supernova, qui est une de mes préférées d'Oasis. Voilà. Allez, c'est parti. Julie était en train de faire des compliments à Oasis. Champagne Supernova sur toujours pas France Bleu Paris, mais toujours sur Radio Resto. Radio Resto, ben non, mais je suis désolée, c'est l'habitude. Radio Resto, c'est le moment et l'endroit où on a envie que vous mettiez la main à la poche, parce qu'on a envie de pouvoir tous ensemble financer des kits pour les enfants de 0 à 3 ans. On en est actuellement à 310 643 euros récoltés. Le prochain objectif, c'est 350 000 euros. J'ai dit le bon chiffre ou pas? 310 000 oui, 600, oui, c'est ouais, bien. Cette fois, c'était personne bon. Personne ne m'écoute, oui, bien sûr. Je vais te donner la parole, Eric, t'inquiète. Donc, pour donner, vous allez sur l'appli Radio Resto ou sur le site internet radio.restoducœur.org. Resto du cœur, il y a un S à Resto. Et vous pouvez donner, on vous rappelle que c'est défiscalisé à 75% les dons. Donc, si vous donnez 100 euros, en réalité, vous ne donnerez que 25 euros. On compte sur vous. On est en train de tout donner, nous, ici, en studio. Même les petits dons sont les bienvenus, mais allez-y, on compte sur vous, vraiment, allez. Vraiment. Voilà, même 5 euros, hein, c'est parce que si vous êtes plein à donner 5 c'est euros, bah, ça va faire plein de kits pour les enfants. On parle de sport aujourd'hui. On est avec des hommes de médias dans ce studio. Je vous rappelle que Jean-Louis Tour est avec nous d'RMC, Florian Gazan d'RTL, Éric Rabessandratana de France Bleu, de la chaîne L'Équipe et du Paris Saint-Germain, ancien capitaine du PSG. Je porte un maillot qui était porté pour sa dernière saison. Non. Non, c'est pas assez large. J'en ai un, moi. J'en ai un d'Eric, je m'en sers comme mousse de couette. Ah. La meilleure vanne sur les deux heures. Et Patangeli, qui est donc une grande voix de la radio aussi, lui côté RFM et complètement spécialisé dans la musique. Les garçons, quand on parle de sport et quand on parle de médias, il y a une personne, forcément, auquel on pense tout de suite, à laquelle on pense tout de suite, parce qu'il a fait les deux métiers. Il a été un immense homme de médias, il a aussi été un immense président du Paris Saint-Germain. Ah oui. Michel Denisot met tout le monde d'accord. Je n'ai jamais entendu un supporter critiquer Michel Denisot. Oui, c'est vrai. Jamais, jamais, jamais. C'est incroyable. Il n'y a c'est que sûr. Deux personnes au PSG qui ne sont jamais critiquées par les supporters, c'est Michel Denisot et Jean-Claude Blanc. Mais Jean-Claude Blanc, à la différence de Michel Denisot, ne s'exprimait jamais dans les médias. Jean-Claude Blanc, qui était le directeur général du PSG. Et Fabrice Pancrate. Alors Fabrice Pancrate, c'est bon, vrai, je l'adore, mais de temps en temps les supporters peuvent être piquants. Michel Denisot nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour Michel. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Allô. Oui, on est là Michel, vous nous entendez Michel? Désolé. Michel Denisot, est-ce que vous êtes là? Il nous entend Michel ou pas? Oui, oui, allô. Salut Michel. Oui, on vous entend parfaitement. Ça a coupé. Ah non, non, on est là. C'est un gag. Je vous jure, c'est pas un sketch. Michel Denisot, est-ce que vous nous entendez? Je n'entends rien. Ah, faut le rappeler, je pense. Je n'entends rien. On va vous rappeler, alors, Michel. Oui, on va peut-être rappeler. Ouais, on va rappeler Michel. On va rappeler Michel. On va rappeler, avant de rappeler Michel, on va se rappeler entre nous que Michel Denisot était président du Paris Saint-Germain à l'époque. Oui. Président délégué. Oui, c'est vrai. À l'époque où c'est Canal+ qui possédait le Paris Saint-Germain, à l'époque aussi où toi, Eric, tu as joué au club. On va faire un petit tour de table qu'on n'a pas fait encore depuis le début de cette émission, juste pour que je vous demande si en football vous avez un club de cœur tous. Pat. Alors le club de cœur, moi le premier nom qui me vient c'est Bastia, parce que mon père, Angeli, hein, mon père était Bastiais, et quand j'étais petit il m'emmenait à Furiani parce qu'on allait en vacances juillet-août et donc le championnat reprenait, et moi c'était l'époque où il y avait, alors il y avait, c'était après la grande épopée, moi j'étais pas né quand même à la grande épopée, bah je regardais quand j'étais gamin l'épopée de Johnny Rep, de La Cuesta, de Larios, voilà, et donc voilà, moi c'était Bastia, bon bah qui est plus en Ligue 1, mais voilà, c'était mon club de cœur parce que c'était le club de mon papa. Voilà. Est-ce que je pense qu'on a réussi à retrouver Michel Denisot? Michel? Non, pas encore, ok. Eric, ton club de cœur, bon bah. J'ai pas parlé du PSG parce que c'est évident. T'as Nancy, le toi, PSG, mais c'est Nancy pour moi. Ouais. Nancy parce que j'y ai joué 11 ans. Ouais. Équipe de jeunes et pro derrière, 7 ans en pro. Donc voilà, j'ai fait toutes mes armes là-bas. J'étais au sport études là-bas. Donc j'ai fait. J'ai passé la moitié de ma vie presque à Nancy. Donc mais la moitié de mes enfants sont nés à Nancy aussi. Donc et ils sont voilà, toujours, tout, il y en a tout certains qui vivent toujours. J'en ai trois, ouais, sur les quatre qui vivent. Donc, et après, t'arrives au PSG avec Michel Denisot. Avec Michel Denisot. Exactement, Michel Denisot qui est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour à vous tous. Salut Michel. On avait hâte de vous parler. Bah oui, on a galéré techniquement. Michel, vous êtes le bienvenu. Autour de la table, il y a Jean-Louis Tour, Florian Gazan. Oui, j'ai entendu. Ah oui, bon, bah alors je vous refais pas le tour de la table. Voilà, il y a que des gens bien. J'ai envie de vous poser comme première question, Michel, de savoir ce que vous allez garder comme souvenir d'Éric Rabessandratana à l'époque où il était joueur au Paris Saint-Germain. C'était un joueur extrêmement régulier. Qui était un défenseur à la fois impitoyable mais qui faisait pas des grosses fautes et qui apportait beaucoup et de sécurité et de sérénité et qui avait toujours une bonne distance par rapport aux émotions qu'on peut avoir quand on est joueur qui peuvent être excessives dans un sens ou dans un autre, et je l'ai toujours vu garder son calme dans toutes les situations. Donc je l'ai connu au PSG, je l'ai connu un peu aussi à Châteauroux après. Et donc on a gardé une bonne relation. C'est ce qui reste en fait quand on est président d'un club pendant, c'était 7 ans à Paris en particulier, ce qui reste c'est les relations avec les joueurs. Et puis après on se rend pas compte quand on est dedans de l'importance que ça peut avoir pour le public, pour les supporters. Et moi, ça fait quand même 25 ans que je ne suis plus là-dedans. Et on m'en parle tous les jours à Paris, tout le temps. Les gens que je ne connais pas m'arrêtent pour me parler de ça. Et donc, je ne me rendais pas compte quand on était là avec Eric et toute l'équipe que ça touchait autant et que ça marquait autant de souvenirs dans la vie des gens. Quoi. Eric ? Ouais, non, mais moi, je en fait, quand on parle de Michel Denisot, on parle de moi, je l'appelle toujours président. Je n'arrive pas à dire autrement que président. Je l'appelle président, écoute, mais c'est président. Que c'est pour lui, moi, hein. C'est le président. J'ai déjà du mal à être président de moi-même. mais pour moi, ça, c'est pas grave, Michel. Ça ne nous dérange pas, ça. Non, mais c'est vrai. C'est dans la symbolique, j'expliquais tout à l'heure que voilà, dès l'instant qu'il s'exprimait, tu étais obligé de l'écouter. Mais après, tout ce qu'il dégageait, c'est-à-dire qu'il a toujours eu aussi. On parlait de recul pour moi, mais il a toujours eu ce recul aussi, c'est-à-dire qu'il était présent et il représentait le Paris Saint-Germain, mais il a jamais été là pour prendre la lumière et en fait derrière il l'avait quand même, parce que il avait cette aura qui était un peu particulière et qui impressionnait aussi les joueurs à l'époque. Donc voilà. Donc, c'est vrai. Merci pour tout ce qu'il a fait. Ouais, bien sûr. Ouais, vous étiez impressionné quand vous parliez une fois, avec il vient dans le vestiaire. Il arrive, en plus il était à la télé, donc tu avais l'habitude de l'entendre, mais il s'installe dans le vestiaire et il vient intervenir. Il le faisait pas souvent sur une saison. Et je peux te dire que tu écoutais tout ce qu'il te disait et tu étais très attentif, parce que bah, c'est ça la force des grands hommes qui sont là et qui sont capables de capter ton attention. Et donc Michel Denisot fait partie de ces grands hommes. Et c'est vrai, Michel. J'ai appris au contact on a fait, je crois, 56 matchs de Coupe d'Europe en 7 ans, et on a été 5 fois en demi-finale, 2 fois en finale. Donc, j'ai rencontré beaucoup de présidents de clubs étrangers, dont les présidents de très grands clubs, comme le Real Madrid, et le président s'appelait Mendoza à l'époque. J'avais beaucoup discuté avec lui sur comment on se comporte, ce qu'on doit faire, combien de fois on doit parler, etc. Lui m'avait donné des conseils que j'ai suivis, c'est-à-dire qu'un président ne doit pas parler, en particulier aux médias, ne doit parler que 3 ou 4 fois par an, sinon on n'est pas écouté. Si on parle tout le temps, plus on parle, moins on nous écoute. Donc il faut parler de temps en temps, au début de saison, milieu de saison, et quand on a quelque chose à dire, ne jamais parler la veille d'un match, parce que si on perd le soir, ce qu'on a dit, ça tombe à l'eau, personne n'écoute. Il faut toujours parler au lendemain d'une victoire. Au lendemain d'une victoire, on a raison. Voilà ce que j'avais à dire. Quel bon tuyau. Michel, bien de savoir ça. Michel... J'ai donné à quelques collègues, mais ils n'ont pas toujours entendu. Non, apparemment, oui. Michel, vous avez gardé quoi de cette époque du PSG, des objets, des choses? Qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui? Non, j'ai pas de vidéo, j'ai rien. De temps en temps, maintenant, sur les réseaux, je vois évidemment avec plaisir des buts, des choses de l'époque. J'ai gardé surtout des relations avec tout le monde. Et alors, on se voit pas tous tout le temps, ni on communique pas tous les matins avec tout le monde. Mais à chaque fois que je retrouve un joueur, on est bien ensemble. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire un discours, on n'a pas besoin de se dire des compliments, de se dire des choses. On est content de se retrouver. Il y a des joueurs avec qui je communique plus, que je vois plus souvent. Mais j'ai de bonnes relations avec tout le monde. C'était cette année d'émotions intenses, avec des bons et des mauvais moments. Mais ce qui est bien dans la vie, c'est, vous verrez quand vous aurez mon âge, et je vous souhaite d'être en bonne forme aussi, c'est que en fait les gens, avec le temps, ne regardent que les bons souvenirs. C'est-à-dire que la nostalgie est un truc qui marche très très bien dans la vie quand on est des choses publiques, puisque ça fait référence pour les gens à des moments aussi où ils étaient plus jeunes, donc c'est déjà bien pour eux, et donc du coup c'est bien pour nous, voilà. C'est vrai, et vous parliez de vos liens avec les joueurs, Michel, sur Instagram aujourd'hui je suis tombée sur une photo qui a été, que vous avez postée ouais. avec Rai, et Rai... Ouais, c'est lui qui me l'a envoyé. Voilà, et vous, je sais pas où vous êtes, je sais pas si c'est au Parc des Princes. Bah, je crois que c'est au Parc, ouais, En tout cas, il a commenté... J'étais au Parc une ou deux fois avec lui, et... Il me semble que ça, ouais, ça correspond ouais. à... Et il a commenté en dessous, sous ce poste, ouais. et il a écrit ouais. « Mon grand ami », il a mis « grand ami mmh. » en majuscule, « frère mmh. d'adoption, parisien », il a mis un cœur ouais. rouge, et il a mis « président, légende, merci ». C'est, ouais, c'est fou beaucoup, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup mais trop. Non, mais c'est... Bon, enfin, c'est pas beaucoup trop, non mais c'est vrai que Rai fait partie des joueurs que je vois le plus souvent, et avec lequel j'ai un contact régulier, effectivement, et je suis pas étranger au fait qu'il soit aujourd'hui au Paris FC parce qu'il voulait revenir dans l'activité à Paris. Et bon, au PSG, on n'a pas besoin de lui. Et donc, je l'ai connecté avec Pierre Ferracci et très content dans ce club aussi, sans renier évidemment tout ce qu'il a vécu au Paris Saint-Germain, parce qu'on n'oublie pas ce qu'on a vécu au Paris Saint-Germain. Ah, et il faut rappeler quand même que Rai, c'est vous qui l'avez fait venir, Michel, et surtout c'est vous qui l'avez porté à bout de bras, parce qu'on se souvient que la première saison était très très très compliquée, que tout le monde déjà voulait s'en débarrasser, et vous êtes accroché, et voilà, c'est devenu après le capitaine symbole du club, donc il y a une relation forcément très forte avec ce joueur. Avec cet homme, oui, déjà. Oui, il est arrivé. Il venait d'enchaîner une saison sans vacances, sans rien, et donc il est arrivé un peu pas physiquement, pas au top, pas bien. Et puis il y a toujours le problème d'adaptation, qui est, même si c'est quelqu'un d'extrêmement ouvert sur tout, il l'a prouvé par la suite évidemment, et ça, toute sa famille aussi. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça n'allait pas, et donc on a discuté tous les deux. Je dis, moi, je souhaite que tu restes, mais si tu veux partir, tu pars. Tu décides de ce que tu veux faire et je suivrai ce que tu veux faire. Et donc je lui ai dit, mais moi je préfère que tu restes. Voilà, donc ça s'est passé comme ça. Il a dit, bon, bah je reste. Et puis on va laisser passer la tempête et puis on va voir comment ça va se passer. Et après, ben, la suite était très bien. Quoi. Ouais. Michel, un mot sur Coluche aussi, quand on est sur Radio Resto. Oui. Là aussi, c'est une relation particulière. Moi, je me rappelle à l'époque, il était Europe 1 et j'y étais, et Canal également. Et au moment des Restos du Cœur, il y avait déjà cette connexion avec Canal. Et puis vous, après, il y a des grands moments de légende au grand journal avec Michel Colucci, Coluche. Quel souvenir vous en gardez de ce garçon qui était assez incroyable? Beaucoup de souvenirs. D'abord, au bout de 6 mois, Canal Plus en 84, donc la chaîne a fait ses 40 ans, ça a démarré le 4 novembre 84. Et donc, au bout de 6 mois, la chaîne ne marchait pas. Ça, on était sur le point de fermer, quoi. Donc, et on cherchait une solution pour nous faire connaître, parce qu'il n'y avait que 3 chaînes, c'était la 4e chaîne, il fallait payer, il y avait une partie de la presse qui était hostile, enfin c'était compliqué. Et donc pour se faire connaître, on avait besoin de quelque chose de plus que nous-mêmes. Et donc on a pensé à Coluche à l'époque, Paul Lederman nous a dit « Ah ben non, il veut pas venir parce que on lui a dit que la chaîne allait fermer, enfin etc. » Et Lederman nous dit « Mais si vous connaissez Michel, c'est un affectif, si vous lui montrez que vous l'aimez, etc., il peut changer d'avis. » J'ai été mandaté pour ça par Pierre Lescure et Alain de Greffe à l'époque. Donc Coluche faisait du stock-car à l'époque dans le nord de la France tous les week-ends. Donc je suis parti au stock-car avec sa femme. J'ai retransmis du stock-car. Et au bout de 2 mois... Il y en a qui font les caisses à savon. C'est clair. L'ancêtre des caisses à savon. Et au bout de 2 mois, donc Coluche est arrivé. Il a fait Info. Donc moi, je faisais à l'époque une émission de 19h à 20h, c'est ça, oui, qui s'appelait Zénith. Et lui, il enchaînait avec Info. Et même au moment du démarrage du Resto du Cœur, donc c'était l'anniversaire ces jours-ci, vous le savez mieux que moi, au démarrage des Restos du Cœur, c'est Michael Jones qui a raconté ça. Il a intercepté Jean-Jacques Goldman qui sortait de mon studio pour faire l'émission, pour l'emmener dans sa loge et pour lui demander de faire la chanson des Restos du Cœur. Donc ça s'est passé comme ça. Donc dans cette affaire, on était des participants, quoi. Voilà. Des compères. Des compères. Je vais faire un bouquin qui c'est Romain Colucci qui me l'a demandé, de bouquin de citations de Michel, qui date d'il y a 40 ans. Et toutes ces citations qui datent d'il y a 40 ans sont tout à fait contemporaines, sauf qu'on peut plus les dire de la même façon. Oui, c'est ça. Alors, je vois aux grosses têtes les citations de Coluche, on en utilise un paquet, donc je pense que ça va être un bouquin très épais. C'est vrai qu'il savait capter l'air du temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, quand on voit les sketchs de Coluche, on se dit qu'aujourd'hui, mais il sera en prison, en fait. Comme des proches, d'ailleurs. Ouais, c'est ce que je dis, ouais, il sera au moins en garde à vue tous les jours. C'est un peu triste, mais bon. En tout cas, Michel. C'est un beau sujet de réflexion. Ouais, c'est un beau sujet de réflexion et d'amélioration de chacun d'entre nous, je pense. Michel, juste une dernière question avant qu'on se quitte. Est-ce que vous avez envie de faire encore des choses dans le football, vous personnellement? Non. Bah non, parce que, enfin, je fais des choses. J'ai connu à peu près tous les niveaux. Bah oui. Avec Paris, avec Châteauroux, et aujourd'hui, je m'occupe d'une équipe de village de 4e division qui est constituée de migrants, donc à côté de chez moi. Il y avait une équipe de village où il y avait plus que 3 joueurs. Enfin, c'est un, voilà. Et il y a 2 ans, il y a un centre d'accueil à 10 bornes d'ici, là où je vous appelle dans l'Indre. Et il y a un Haïtien qui est venu dire, ben, moi, je peux jouer, je peux amener des joueurs. Et donc, c'est une équipe de 4e, c'est la dernière division départementale. Et donc, on a 11 nationalités, c'est-à-dire que le Real Madrid à côté, c'est rien. Et donc, on a 11 nationalités. Et donc, je les aide comme on peut les aider, à la fois financièrement, puis je les soutiens, puis Brut a fait un sujet là-dessus, donc on ne veut pas faire trop de médiatisation, ouais. Et ça a bien marché. Cette année, on a une deuxième équipe de migrants, donc on a 2 équipes, et c'est je passe de très bons moments avec eux, voilà où j'en suis. Le vrai amour du foot, la vraie passion. Ouais. Et la des vraie gens passion. Aussi. Ouais. On vous envoie Eric en libéraux. Je vais peut-être pas aider, mais le cœur y sera en tout cas. Eric, si tu es opérationnel... un niveau tout à fait correct. Moi, je vais faire un match, justement, on va faire un match festif où je vais faire appel, bon, à la fois aux variétés avec Vendroux et d'autres joueurs pour faire une fête un peu ici, dans une fête locale au printemps prochain. Eh ben, allez. Attention à l'élongation. Rendez-vous est pris. On viendra avec. Je viendrai, ouais, ben là, ouais. Mais tous là, vous pouvez venir. Hein. Moi, je peux jouer. Oui, hein. Je peux jouer tout le monde. Je peux jouer côté gauche à la buvette, moi, Michel. Alors, l'avantage des équipes de village, c'est que il y a toujours une buvette, c'est la base. Et des gobelets en carton. Et la plupart du temps, pour les équipes de village, c'est avec ça qu'on fait vivre le club. Bien sûr. Bah, écoutez, si c'est ça qu'on peut faire, nous, venir boire à la buvette, il n'y a pas de souci, on sera là. Hein, Jean-Louis ? Avec plaisir. Hein, on vient à la buvette. Enfin, Jean-Louis, il a raccroché, Jean-Louis, donc ça va être dur. Mais il n'a pas raccroché de la buvette. Non, je commence ma carrière. Tu peux aller à la buvette avec les croisés, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, Michel Denisot, un énorme merci d'avoir beaucoup, été avec nous. Merci, président. Vraiment, c'était un bonheur de vous parler. Merci beaucoup. Et bien sûr, le but de tout ça, c'est toujours le même, c'est de récolter des sous pour aider les familles qui en ont besoin, et notamment les familles qui ont des enfants qui ont entre 0 et 3 ans et qui sont dans la difficulté. Nous qui avons eu des enfants, on le sait tous, les paquets de couches, c'est cher, les boîtes de lait en poudre, c'est cher, ouais. Les petits pots, c'est cher, quand on n'a pas d'appartement, de micro-ondes, ouais. Voilà, préparer à manger pour un bébé, trouver des purées. Ce qui m'a halluciné, c'est un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. C'est hallucinant. Ça m'a choqué. Voilà. C'est hallucinant. 126 000 enfants entre 0 et 3 ans ont eu besoin des Restos du Cœur en 2023. C'est vraiment une situation qui est difficile, qui est critique. Donc, c'est le moment de donner, parce que les Restos du Cœur, ce sont ceux qui savent à qui donner, comment le faire. Ils ont le réseau de distribution. Voilà. Donc, vous allez sur le site radio.restoducœur.org. Vous cliquez sur « Faire un don » et je vous rappelle que le don est défiscalisé à 75%. Oui. Donc, vous donnez 100 euros. En réalité, vous ne donnez que 25 euros. On a augmenté depuis tout à l'heure. On a passé la barre des 311 000 euros 73. Merci à celui qui a donné 3 euros, c'est bien, c'est sympa. Collecté sur notre objectif de 350 000 euros, donc on continue à donner sur le site radio.restoducœur.org. Il est 17h48, les garçons. J'aime bien vous appeler les garçons, c'est bien. Le meilleur oui, moment Hélène. De la journée. Oui, Hélène. Ça correspond à notre genre. Hein. Complètement. Enfin, après, bon, c'est toujours un sujet très complexe. Bon, les garçons, c'est le moment de terminer l'émission avec le quiz de Pat Angeli. Ah. Voilà. Après, écoutez, on fera celui de Jean-Louis Tour. Bien sûr. On va essayer de faire assez vite. Je vais vous passer des extraits de musique. Il va falloir me trouver l'artiste. Bon, ça va être facile. Et le club de son cœur. Ah, ça, c'est le club de son cœur. Alors, j'ai envie de donner un carton rouge à Florian Gazan parce que ça sera facile pour lui, mais je vais le faire participer quand même, Flo. Parce qu'il y a des choses qui vont être faciles pour toi. Est-ce qu'on peut m'envoyer un extrait, messieurs? Allez, c'est parti. Alors, ça, c'est qui déjà? Claudio Capéo. Oui, Claudio Capéo. Alors, quel est le club Marseille. De cœur de Claudio Capéo? Non. Montpellier. Non. Non, mais il est de l'Est, non. Lui, non? Eh oui. Donc, Strasbourg. Alors, on salue Claudio qui est un enfoiré, évidemment. Allez, extrait suivant. Angèle? Non. Attends. Une enfoirée aussi. Louane? Non. C'est Louane. Ah, c'est Louane. Non, les ch'tis, c'est Lille. Là, alors non. Lens. Eh oui. Je l'ai dit Lens, je l'ai dit en premier. Ah bah tu l'as dit en premier. Elle est née à Sainte-Catherine. Oh, ça, je le savais. Calmons-nous, s'il vous plaît. J'ai déjà deux points. Je note. Allez, on y va. Colonne Pierre. On note pas quand on trouve l'artiste. Pascal, Bordeaux. Bordeaux. Son papa a joué là-bas, Max Obispo. Obispo. C'est Flo qui l'a dit en premier. Oui. Bordeaux, mais oui. Attention, on continue, allez les amis. Alizé, bon, c'est la Corse, non? Ouais. Bastien? Mais non. Ajaccio. Bastien. Allez, on va donner à Flo. Hein. Ajaccio, son club d'adoption. Allez, on continue. Je vous aide, c'est pas la personne qui chante. Paris, PG, PG, PG, PG. Tu donnes le point. Laisse-moi le temps de. DJ Snake. Allez, encore un, encore en français. Benjamin Biolay, c'est l'OL. Ouais. C'est l'OL. Ah ouais. Absolument. Pas. Bon, là, c'était les Français. On va passer aux étrangers. Alors, déjà, je commençais parce que je suis sympa. Alors, il n'y a pas d'extrait à mettre. Raphaël Nadal. Ah bah, Réal. Le Real. C'est moi. Le Real. Elle se donne des points. Non, c'est vrai, je l'ai dit en elle premier. Elle se donne des points. Attends, la VAR, là. Je l'ai dit en premier, on est d'accord. Voilà, ils disent tous, même le Marseillais, il dit oui. Elle est insupportable, écoutez. Allez, à la régie, on enchaîne. C'est parti. Vas-y, c'est Manchester City. Bon, voilà. On en a parlé tout à l'heure. Manchester City et d'ailleurs Noël qui a designé le maillot pour les 30 ans de Definitely Maybe qui est un album d'Oasis. Il a fait un maillot pour Manchester City qu'ils ont porté en Ligue des Champions. Voilà, très bien. Et on enchaîne. Williams. Robbie Williams. Alors là c'est dur. Là si vous trouvez. Oh, ça sent le Nottingham Forest. West Ham, non. Je suis désolé, vous trouverez pas celle-là. Je vais vous la donner. Bah, attends. Aide-nous. Alors déjà c'est de la Détroit. Donc, ah ouais, d'accord. Ah, ouais. Je sais pas, oui. Wall ou un truc comme ça. Non. Sheffield. Non. Ça s'appelle Port Vale. Ah ouais, alors, il est né. J'allais le prendre. Jean-Louis, je te donne un point si tu veux. Jean-Louis, il avait le pays là. Il était géologue. Jean-Louis, j'ai pas fait de colonne pour toi encore. Hein. Alors, non, mais j'ai répondu 5 fois dans la seconde après toi. T'entends pas parce que. Alors, Port Vale, il est le. C'est le club de Stoke-on-Trent. Ah, voilà. Et donc, c'est un quartier. Et donc, il est fan. De ce club-là. Alors là, j'ai pas d'extrait. C'est un acteur qui s'appelle Timothée Chalamet. Ah bah Saint-Étienne. C'est Jean-Louis là. Merci. Je venais de faire ta colonne. Regarde, bam, un point. Donc l'acteur de Dune qui a passé des étés à Chambon-sur-Lignon, qui est juste à côté de Saint-Étienne. Son papa est français. Enfin, il aime bien le PSG aussi. Hein. Alors j'en ai encore deux. Il y en a un où il y a pas d'extrait non plus. Salma Hayek. Rennes. On l'a vu hier. Elle est au parc. En train de gueuler. Rennes. Et puis le dernier. Là non plus. Alors là, c'est parti. Le dernier. Mick Jagger. Alors Mick Jagger, j'ai Liverpool. Non, ils sont de la banlieue de Londres, donc c'est un club londonien. West Ham. Ouais. Tottenham. Chelsea. Arsenal. Alors Arsenal avec une anecdote. Mais j'ai dit Arsenal il y a 5 minutes, les gars. Non, mais tu l'as dit sur la question de Robbie Williams. Pas du tout. C'est le premier truc que j'ai dit. Arsenal. Pardon. Regarde, il y a. Non, mais si. Non, mais c'est normal, il y a la moitié, c'est la famille. C'est la famille, la moitié derrière la vitre. C'est pas la valeur, c'est la famille. En fait, en régie, il y a 3 professionnels et après, il y a mon mec et mes 2 filles. Donc, j'avoue, la moitié de la régie, c'est ma famille. Tu sais qu'il y a. C'est vraiment la VAR, quoi. Il y a un point commun sur les blind tests. Il y a un point commun, c'est la phrase qu'on entend toujours dans les blind tests, c'était je l'ai dit avant. Je l'avais dit avant. Et donc, bon, je te donne le point, bien sûr. Alors, c'est quoi l'anecdote alors? Alors, l'anecdote, c'est qu'en fait, il est fan d'Arsenal, mais les gens et le club et les joueurs ne veulent pas qu'ils viennent parce qu'en fait à chaque fois qu'ils viennent ils perdent. C'est le chat noir. Et donc Mick Jagger à chaque fois qu'il vient tout le monde fait ah merde. Et voilà, il y a Mick Jagger. Le pauvre. Donc, c'est horrible d'être blacklisté. Bravo, je crois que tu as gagné. Écoute, étant donné qu'elle se donnait un point même quand elle n'avait pas répondu. J'avais répondu. Non mais c'est vrai que dans mon émission sur le PSG à chaque fois que je passais un disque j'allais toujours voir quel club supportait l'artiste. Ah c'est drôle. Du coup dans ma tête j'ai pas mal quand même des fois c'est un peu. Bravo, tu as gagné. T'as triché. Mireille Mathieu, bien sûr. Pourquoi Mireille Mathieu? Bravo, tu as gagné. La version française d'abat. C'est là qu'on voit qu'on est des gros ringards. Merci Pierre. Merci Pat. J'ai pas du tout compris la réponse. Ce sera ta punition pour tricher au quiz. Tu l'écouteras ce soir. Juste pour parler d'un autre chanteur, Ed Sheeran. Oui. Ed Sheeran, il joue dans un club. Il est dans un club de je sais plus quelle petite division inférieure, mais il a sa licence de foot. Il est complètement fan de foot. Et Ed Sheeran, je sais pas, Jean-Louis, je suis sûr que t'as entendu cette histoire. Il est venu au Parc des Princes il y a peut-être 2 ans. Et en fait, en sortant du parc, il a dit, mais j'ai jamais vu des ultras comme ça. Il était pas très loin d'Auteuil. Il a dit, ils sont complètement fous. Même en, hein, Jean-Louis, ouais. Tu l'avais entendu ça. Mmh. Il a dit, j'ai jamais vu ça. Ils ont fait que chanter pendant tout le match. Je crois que c'était en hiver. En plus, il devait être comme d'hab, torse nu. Et il a dit, mais même en Angleterre, on voit pas ça. Ouais. Moi, l'anecdote qu'il m'a raconté, parce que j'ai eu le plaisir de le recevoir, c'est qu'il a une très grande maison, et comme il était paparazzé et que les gens, même les voisins, le prenaient en photo dans sa salle de bain de sang, il a acheté tout le village. Voilà. Ah oui, c'est plus simple. Ouais. Donc comme ça, il a mis des potes. Alors, il me l'a confirmé parce que moi je crois que c'était une légende. Non, je dis mais t'as acheté toutes les maisons autour de la tienne. Oui. Comme ça, c'est des potes qui habitent de dedans. Comme ça, ils m'emmerdent pas. Comme ça, personne me prend en photo dans mon jardin. Donc il a acheté toutes les maisons aux alentours. On n'a pas les mêmes problèmes. C'est magnifique. C'est incroyable. C'est celui qui vendait pas mal le plus de disques à un moment donné. Ah bah Ed Sheeran, oui, je pense que au niveau des royalties, ça se passe pas mal. Il doit être bien. Quand je l'ai reçu, il avait fait une tournée de 3 ans. J'ai dit, mais comment tu fais une journée de 3 ans? Il me dit, là par contre, je viens d'être papa. Alors je croyais qu'il allait me dire, bah là je vais ouais. calmer le jeu. Et en fait, je vais partir 4 ans parce qu'après, je trouve que les enfants sont très intéressants à partir de 4 ans. Mais donc, non. C'est vrai. Et comme il voulait pas être dérangé pendant l'interview, il a racheté la radio. Incroyable. D'ailleurs, je rachète tous mes fans, ils commencent à me saouler avec leurs textos. C'est un truc de fou. Bon, il nous reste 3 minutes, les garçons. On va déjà, avant de conclure, on va rappeler à nouveau que vous pouvez faire un don. Parce qu'on est là pour ça, surtout. Exactement, sur radio.restoducœur.org. C'est super important. Il faut le faire maintenant, parce que c'est toujours les trucs qu'on dit, on le fera plus tard. Mais non, faites-le maintenant. C'est vrai, ça prend 2 secondes, franchement. Exactement, faites-le maintenant. 311 248 qui ont été collectés depuis le début de Radio Resto. Radio Resto, ça va encore durer toute cette nuit et jusqu'à demain soir. Objectif, prochain objectif, 350 000 euros. Il n'y a que vous qui pouvez faire monter cette somme. Ouais. Donc, défiscalisation. Si vous donnez 20 euros, ça vous coûte 5 euros. Et là, vous avez 4 minutes pour nous faire plaisir et le faire avoir. Partagez l'appui à vos amis, la famille. Sachez qu'après, on regarde les créneaux des animateurs et on se dit, tiens, bah, vous avez été complètement nul. Les gens ont donné que 50 balles pendant vos 2 heures d'émission. Ou alors, vous avez été super fort. Donc, en fait, il y a un petit challenge. Ouais. Donc, Jean-Louis, il a perdu à tous les jeux. Il aimerait bien gagner à ce jeu-là, Jean-Louis. Tu veux pas demander à Ed Sheeran qu'il investisse un peu? Ah oui, Ed Sheeran, peut-être. Acheter, ouais. Quelle bonne idée. Bon, il nous reste 3 minutes, les garçons. D'accord. Vous avez chacun. On peut mettre un disque si vous préférez. Discuter. Non. Moi, je voulais juste vous poser une dernière question. Parmi tous les gens que vous avez pu interviewer dans votre carrière assez folle dans les médias, qui est celui dans le sport qui vous a le plus marqué? Alors moi je vais dire un truc très très vite, c'est pas encore arrivé. Ah. Parce que moi j'ai fait le voyage à Chicago pour aller voir jouer Michael Jordan, donc j'ai fait du tourisme et j'ai vu jouer Michael Jordan, et en fait bon je l'ai jamais rencontré évidemment, mais j'ai bon espoir parce que je suis commentateur de la NASCAR aussi sur une chaîne qui s'appelle Automoto la chaîne, les dimanches soirs, et il vient de vendre ses parts dans les Charlotte Hornets. Il a acheté une écurie de NASCAR et de temps en temps je vais aux États-Unis, je rencontre les propriétaires, les pilotes, et j'ai l'espoir secret de rencontrer Michael Jordan. Voilà, donc si peut-être que c'est l'année prochaine dans Radio Resto, tu pouvais raconter ça, rencontre avec Michael Jordan, ça serait trop bien. Je peux te le raconter, je l'ai rencontré. Mais non, mais c'est pas vrai. Je l'ai interviewé quand il y avait le film Space Jam où il jouait avec Bugs Bunny, Daffy Duck. Il y avait un voyage de presse et j'étais allé à Chicago le rencontrer, et je me suis retrouvé dans une salle d'interview où tous les journalistes passent à 10 minutes, mais c'est 10 minutes qui durent. Tu te retrouves face à, là il dégage un truc, tu comprends pourquoi c'est Michael Jordan. Au-delà du talent, il dégage un truc, il a un charisme, sa voix aussi un peu, non, la voix, et puis même les mains, il m'a serré la main, c'est-à-dire qu'en gros c'est pas une main, c'est une rame. Ce mec là tu dis c'est Michael Jordan, tu comprends, tu rentres une pièce avec lui, tu comprends. Ouais. Voilà. Et toi, Jean-Louis? Moi, j'ai pas interviewé Eric encore, donc en attendant, c'est Zidane. Ouais, parce que tu sais pas. Non, mais t'as raison. On sait jamais. Zidane, 2 heures. On faisait Team Duga 2016. Ouais. La première année Team Duga. Et 2 heures à Madrid dans son bureau, alors qu'il donnait aucune interview à personne à l'époque. Il vient d'être entraîneur du Real, et pendant 2 heures, en fait, moi je suis au spectacle. C'est 2 potes qui discutent ensemble, en fait. Ouais. Et foot. Ils ont parlé vraiment de ça. Foot pendant 2 heures et du métier d'entraîneur, etc. Et ça m'a servi aussi à désacraliser un peu les gens, parce que quand j'ai vu Duga parler à Zidane entre potes, comme si de rien n'était. Enfin voilà, du coup tu te dis que Zidane c'est un mec normal et donc voilà, après il faut faire l'interview normalement. Et toi Eric, il reste 50 secondes. Non mais moi j'interview pas les gens donc Non mais quelqu'un que t'as rencontré et qui t'a marqué quoi dans le sport, tu vois. Ah c'est dur Ah, même un joueur. Charlie Dor, ça peut être du fan. Moi j'ai joué avec Rai. J'allais dire Charlie Dor Coridon, moi, de jouer avec Rai forcément c'est quelque chose de particulier et sur ce qu'il représente, parce que tu vois là déjà on a entendu tout à l'heure Michel Denisot parler de Rai. Mais c'est un mec super gentil, c'est un mec qui était capable d'emmener tout le monde sur le terrain et de façon naturelle, tu vois, c'était pas une star, même si c'était une star quelque part, mais c'était un vrai leader et il a apporté énormément au Paris Saint-Germain, mais aussi par son image. Moi, je pense que c'est le prochain président du Brésil. J'attends ça avec impatience. Au moins, une ministre des Sports. Merci, oui, peut-être. Merci beaucoup à vous quatre. Merci Pierre. Florian Gazan, Eric Rabessin-Atana, Pat Angeli. Merci évidemment à Laurent Petit-Guillaume qui a tout organisé. C'est un truc de fou. Merci à Icar qui nous a fait le bonheur d'être là. Merci à Michel Denisot qui a passé du temps aussi avec nous, qui nous a raconté des trucs incroyables. Merci à Benjamin à la Technique, à Maxime à la Réal. Et surtout, donnez. Merci les gars. Et donnez pour les Restos du Cœur. C'est super important. Et ciao. Et avec une idole de jeunesse qui arrive. Radio Resto.